Animation La Jockey, édition week-end pour la semaine du 29 janvier 2018. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Cette semaine a passé tellement vite, ça a coulé comme de la bière en fût, hein, comme du champagne après une victoire, comme un cocktail sur le bord de la piscine. Ben justement, Mathieu, parlant d'alcool, Marc Lachance nous a parlé des comportements que certaines personnes peuvent avoir sous l'effet de celle-ci dans sa chronique de nounounerie. Et dans le même ordre d'idées, on a eu le plaisir de recevoir la porte-parole du défi 28 jours sans alcool, Eliane Gagnon. Oh. Et on a passé de igloo, igloo à hibou, hibou en recevant l'auteur, compositeur et interprète Marc Gagné du groupe Hibou Hibou. Sébastien Gartin nous a éduqué sur les coûts de l'éducation publique versus privée dans son bulletin Gartin. Jimmy Thibodeau a discuté avec nous de racisme, de sexisme et d'autres mots qui finissent en isme dans sa chronique Gauche à Bévue. On a aussi goûté à du chocolat au riz croustillant, la Snickers Crisper, dans une grosse pointe allresse. Tu sais, apprendre des choses, c'est comme boire de l'alcool, hein, ça me fait de l'effet, puis là, je me sens vraiment ivre. Mm-hmm. Yves Corbeil. Aïe, aïe, tu l'as... Tu vois, ce gag-là après avoir bu, parce que ça pourrait être une très bonne raison d'arrêter de boire, surtout au travail, mettons. Marc Lachance, qui est avec nous pour sa chronique de nounounerie, de folerie. Exact. De conneries humaines. Yes. On va se le dire. Donc, encore des belles petites choses authentiques qui peuvent se produire avec nous-mêmes. Ouais. Sachez que... Sachez qu'on va y aller comme suit avant de dire toute autre chose. Avant de dire quoi que ce soit. Donc, on parlait de drogue tout à l'heure. Ouais. Maintenant, on parle d'alcool. Bon. Ben oui, c'est une suite logique. Chacun ses vices. Hein? C'est ça. Et le pourquoi du comment? Le mois de février arrive avec le défi 28 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Sober February. Exactement. Donc, on vise à être sobre, de ne pas consommer d'alcool pendant une période d'au moins 28 jours et d'accumuler 1$ par jour. Mm-hmm. Ah, ça, je ne savais pas qu'il y avait un but financier là-dedans. Oui, c'est pour la Fondation Jean Lapointe. Ben oui. Exact. Donc, le but est de, genre, dans le fond, c'est de réduire la consommation d'alcool. Je pense chez les 12 à 14 ans. Ah, donc, okay, c'est consommation comme d'alcool et de drogue. Mm-hmm. J'ai lu il y avait des statistiques vraiment étranges sur leur site qui s'avèrent probablement être vraies, mais quelque chose comme 44% des jeunes de moins de 16 ans ont déjà consommé, de 16 ans et moins ont déjà consommé de la drogue. Oh. Mm-hmm. Peut-être chez la nouvelle génération. Probablement. Bref, c'est quand même un gros chiffre quand on y pense. C'est presque la moitié. Donc, eux ramassent des dons et cherchent à aller faire de la prévention avec ça. T'as commencé quand, toi? Non, je veux savoir. Consommation de drogue. Non, mais eux autres, ça a commencé il y a 5 ans, leur consommation. Non, c'est pas la prévention. Puis ils ont ramassé un gros montant, là, je pense, dans les centaines de milliers de dollars. Je veux pas m'arrêter. Et d'ailleurs, manquez pas jeudi, on va s'entretenir avec quelqu'un. Jeudi 1er février. Oui, exactement. À notre émission Assemblage Requis. Alors, voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Ouais. Dans le fond, c'est à ma manière, de rire de ce qu'on peut faire sur l'effet de l'alcool. Oui. Je veux pas qu'on ait un but moralisateur. Non, donc, personne va se battre là-dedans, il n'y aura pas de mise rien. Donc, c'est de viser le côté nono et attachant un petit peu. Ouais, parce qu'il y en a qui, quand ils boivent, ils peuvent avoir une petite personnalité le fun quand même. Il y en a qui sont super déplaisants. Oui, il y en a qui sont vraiment déplaisants, mais il y en a qui sont vraiment drôles. Ouais, parlons-en un petit peu des personnalités. Il y en a quelques-unes qui reviennent. On peut y aller dans le classique. Qu'on peut énumérer rapidement les gens qui s'endorment partout. Ouais. ils prennent un verre ou deux, mais ils commencent à s'endormir. Ouais. Le classique du plancher est vraiment doux. Confortable. Ou le classique de « je vais juste m'asseoir 2 minutes ». Oui. Mais ça, c'est cute quand même. C'est quand dérange cute, personne. Ça. Ouais, c'est ça. Les gens qui sont tristes, les gens qui sont trop heureux de prendre un petit verre. Après, on a des choses plus stupides comme des gens de super-héros. OK. Ah, OK. Tu sais, quelqu'un qui veut aider tout le monde. Non, mais t'as vu. Il y en a comme ça qui, oui, sont très attachants dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par super-héros, c'est vraiment... Ouais. Ils se prennent pour Superman. Ils mettent la bobette à l'extérieur des pantalons. c'est ça. Ça va, ça de bain, change. Mais quelqu'un qui monte sur les tables pour danser. Ah, ben oui. Ah, OK. Quelqu'un qui veut se faire remarquer. Ah, ouais, c'est ça, un petit peu. Mais tu sais, qui fait genre, je suis invincible, je suis capable, moi, je me ferais pas pétailler. OK, fait que c'est lui qui va se battre, dans le fond. Non, pas. Ouais, il pourrait mourir. Se battre, mais ça, c'est pas nono. C'est celui qui va courir vers la fenêtre. Ça, c'est épais. Mais tu sais, genre, quelqu'un qui fait, hé, moi, je vais aller danser sur la table, ça va être drôle. Hé, moi, je vais aller mettre une chaise puis je vais sur la table, okay, ouais. Après ça je vais y aller puis je vais me tenir sur un pied, ça va être drôle. On a tout quelqu'un dans notre famille qui s'est cassé quelque chose dans ces fois-là. Ben c'est ça, mais ben, lui, mais tu sais, cette personne-là, c'est quand même drôle parce qu'il tombe. Puis là, il dit pas qu'il a mal. Non, non, mais il a sûrement pas mal. Il faudrait surtout pas qu'il ait mal. Ouais, c'est ça. Là, l'ego en prend un coup, mais. Et l'alcool vient calmer le mal. C'est ça, exactement. Fait que le lendemain, le goût de doude. Il y a une coupe de bleu, hein. C'est ça, il y a une coupe de bleu. Des petites choses qui arrivent, tu sais. Sinon, hey, c'est sûr que. Là, vous l'avez sûrement déjà tous fait. Waouh, il y a des bruits. Ouais, je le sais, j'aime ça. J'adore ça. Il est arrivé vraiment de timer. C'est philosopher. Ah oui, ça des grandes pensées. Ouais. Pas besoin d'alcool pour faire ça, non. Moi. C'est ça le problème. Non, mais tu sais, tes deux, trois premiers verres, là, ça suffit de faire « Hey, là, tu découvres quelqu'un. » C'est vrai. Que... C'est souvent après deux, trois verres que tu découvres quelqu'un là, dans sa plus profonde personnalité psychique. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, t'as toutes les théories de sa manière de penser puis de vivre, connecté avec ses valeurs puis sa philosophie de vie. Puis je sais pas. C'est vrai. Il me semble qu'on y arrive assez rapidement. Ouais. Ça, tu sais. Sinon, grosso modo, ça ressemble à ça pour les personnalités. J'allais dire, je suis un petit peu avant, je ne veux pas faire de moralisation sur le fait de « don't drink and drive ». C'est « obvious ». Toutes les niaiseries comme ça qu'on fait, c'est un petit peu moins drôle. Allons-y comme suit. Il y a plein de petites choses qu'on fait. Si vous en avez. On partage. On se plante. Sur la glace. Ben oui. Retourner chez nous à pied quand c'est bien glacé. Puis ouf. C'est se planter on the rocks. Faire une patinage artistique. La première, là, appeler son ex. Oh, ah, ben oui, un classique. Un classique. Ça te met dans le trouble, ça. Puis pas t'en souvenir le lendemain. Hein? Ouais. Mais si tout fonctionne bien, l'autre va aussi avoir bu et s'en souviendra pas plus. On sait pas. Rarement sont les fois où la personne a bu en même temps que toi, genre, dans ces moments-là. Ouais. Tu sais, il y en a tout le temps un des deux qui est complètement à jeun. Tu l'appelles à comme 3 heures du matin. Mais tu sais, surtout que maintenant, tout le monde a un cellulaire. La plupart des gens, de plus en plus, du moins, mettent leur cadran sur leur téléphone. Ouais. Donc, laissent leur téléphone ouvert. Donc, ont des possibilités de répondre à leur téléphone en plein milieu de la nuit et d'être en belle flûte contre toi. Ça, c'est des petites choses qui arrivent. On vous le souhaite pas. Ouais, non. C'est quoi ton objectif quand t'appelles quelqu'un sous comme ça, un ex? Ça peut être... La réconciliation. La réconciliation, OK. Souvent. J'imagine. Ben, d'après moi, c'est ça. Là. C'est pas parce que tu veux l'inviter à boire un autre verre. Maintenant, j'ai un petit truc pour vous autres. Okay. Oui. Là, faut arrêter de se sentir mal quand on est trop chaleureux. Mais ouais, c'est ça. Les gens chaleureux. Je pense qu'on pourrait avoir un débat là-dessus. Attends là. Un peu. Non. Moi, les gens chaleureux, j'ai un petit peu de difficulté. Non. Ceux qui sont trop proches, qui se collent à toi. Pas ceux-là qui ont trop chaud. Là. C'est... Ouais, c'est ça. T'as un peu. Les gens qui veulent te faire des câlins, OK. Ouais. Mais t'as un peu. Quand tu dis à ton ami, hey, je t'aime, pis tout. Ah, ça, c'est correct. Ça, c'est bien. Ouais. Mais tu sais, maintenant, en plus, ce que tu peux faire, c'est savoir que t'as des amis ailleurs, un petit peu comme ton ex, là, mais. T'as des amis ailleurs. Mm-hmm. Tes meilleurs amis sont à l'autre bout. Mm-hmm. Tes textes. Okay. Tu lui dis, hey, je t'aime, toi, t'es vraiment génial, ouais. Merci d'être dans ma vie, blablabla. Puis là, il est tard. Fait que le lendemain, tu te réveilles, eux autres se réveillent avant toi. Ils sont bien contents. Hey, merci, hey, toi aussi, t'es une bonne personne et tout. Puis là, toi, tu t'en rappelais pas trop, tu redécouvres ça. Ça laisse des traces, là, tu vois. Ouais, ouais. Tu redécouvres ça, puis après ça, tu fais, hey, mon Dieu, mais c'est vrai que je suis une bonne personne. Ben oui. Hey, ça te remet sur le piton, okay, ça, le matin. OK, j'avoue, c'est vrai. Ça compense le mal de tête. Exactement. La ville, quelques souvenirs des... C'est juste pour que t'arrêtes là. Ouais, c'est ça, pas plus loin. Faut pas que tu continues des messages textes, genre t'en avoir 42. C'est ça, là, ça ferait comme... La manée, tu fais comme mort, consommation d'alcool, t'es trop élevé. Et probablement qu'ils vont regarder l'heure à laquelle t'envoies le message. Ça, c'est oups, mais c'est pas grave. Tu es rendu à 25 ans, 10 heures, c'est correct, tu peux le faire, parce que t'es sous à 10 heures, Oh. 3h30, c'est sûr qu'ils vont peut-être te demander t'étais où. Mm-hmm. Et combien t'avais bu. C'est ça, ouais. C'est apparemment ça. Que, en passant, c'est ça que je voulais dire ou pas dire tout à l'heure. Mes suggestions d'aujourd'hui viennent de moi, entre autres, mais de aussi mon entourage. Ah, oui. Ah, OK, je pensais que ça venait du carnaval étudiant. Non. C'est ses amis qui ont texté pendant qu'ils étaient sous. Hein, tu les conseils, mais non, mais fait que. Apparemment que ce truc-là, il y a des gens qui peuvent s'en rendre compte. Donc, faites attention. Ouais. Faites ça modérément parce que il y en a qui savent que quand des gens leur textent « je t'aime ouais. », c'est qu'ils sont automatiquement sur la brosse. Peu importe l'heure. Ouais. C'est fou, vrai. Ça. Mais en même temps, moi, je suis même. Il n'y a pas tellement de mal à ça. Mais c'est ce que je dis jamais au monde que je les aime. Fait que si je te texte pour te dire que je t'aime, c'est soit que ça va vraiment pas bien, okay. ou soit que j'ai bu. Ouais, okay. c'est vraiment niaiseux. Hein. C'est nono. C'est nono c'est, pas mal. Ouais. On accote pas mal le plafond de genre. on est rendu là. Est-ce qu'il y en a qui insultent le monde par message texte ou dans la vraie vie quand ils ont bu? Qui insultent? Oh. Qui se mettent à dire des bêtises? C'est un peu comme ceux qui se battent, ouais. j'imagine. Ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Tu sens ce que tu penses vraiment qui est négatif, des fois. Ben, tu sais, on a déjà parlé du fait que certaines personnes n'ont pas nécessairement beaucoup d'empathie. Ouais. Je pense que certaines personnes qui sont saoules ont encore moins d'empathie et te le font savoir. OK. Mm-hmm. Fait que d'après moi, tu sais, c'est dans le même style. Ça, c'est pas nono, c'est désagréable. C'est ouais. ça, exactement. Ouais. Ben, en plus, c'est ça, il y en a des gens qui... On dirait qu'ils se transforment en loup-garou du campus. Mais c'est ce que je sais pas, moi j'ai vraiment le bout de la transformation où est-ce qu'il disait toujours c'est ça là. Moi il y a des amis qui sont comme ça, oh, mon Dieu, ils sont comme ça mais toute la soirée ça va bien. Alors, toi viens pas ici. Wow. C'est vrai. Ils sont un peu plus bêtes, ceux-là. Ouais, c'est ça. Là, ils ont leur ami Martin. C'est ouais. ça, son nom? Ouais. Martin ouais. J. Dingle. Ouais. Hey, wow, c'est hey, bien du nom de famille. On en rira pas trop parce qu'on peut parfois être cet ami-là. C'est vrai. C'est ça, exactement. Si tu sais pas dans ton entourage qui est cette personne-là, c'est que c'est souvent toi, cette personne-là. Revenons à nos moutons. J'allais dire faire pipi dans un lieu public. Ah, OK, oui. Dans un pot de fleurs, ouais. Mais se cacher non subtilement, ouais. Ça peut être une chose à faire. Maintenant, ça arrive souvent à l'extérieur, ça, hein, dans une petite ruelle sombre, ouais. genre. Ouais. Puis on se rend compte que c'est pas très intelligent, ça. Non, puis c'est déductible d'une belle amende. Ouais, je sais. Mais bref, faut que je vous raconte un petit fait vécu. Oh, où est-ce que t'as uriné? As-tu un échantillon? J'étais chauffeur désigné. Donc, oui. À l'époque où je restais en Beauce et mes amis avaient fraîchement 18 ans, on partait vers Québec, on s'en allait dans un bar et on revenait en soirée. OK. Donc, j'étais chauffeur désigné, je me rends dans un gros bar à Québec. À un moment donné, dans la soirée, je vais à salle de bain, tu sais, je vais faire pipi. Je fais ce que j'ai à faire. Tu t'occupes de toi. Je me retourne et le lavabo était juste en arrière de moi. Fait que je me retourne, je commence à attacher ma ceinture. Puis après ça, j'ouvre le robinet. Il y a un bodyguard qui vient me voir, tu sais, qui fait genre deux fois ma taille en termes de largeur, mais aussi probablement une deuxième fois en termes de profondeur. Donc, on parle de pénis ici. Oui, c'est ça. Okay. Hey, donc, le bodyguard vient me voir et me dit « T'as-tu fait pipi dans le lavabo? » Pardon? Non, monsieur, tu sais, je vais pas mettre pipi dans le lavabo. Pourquoi je fais ça? C'était vraiment épeurant. C'est quelque chose de courant là-bas? Ben, je sais pas, ça se peut. Hein. Ouais. C'est inquiétant un peut-être peu. Peut-être qu'il y en a qui sont rendus là. Ouais, mais j'avoue que vos urinoirs sont tout à de la même couleur que les lavabos. Ah, bon point. Ouais. Et c'est marqué Crane, ces deux. C'est ça. C'est difficile pour un gars en état d'ébriété de savoir lequel utiliser. Il était à bonne hauteur, fait que j'ai vraiment pris le temps d'analyser la situation après. Aujourd'hui, ça me sert de pouvoir enfin raconter ça, de me libérer. Donc, faites attention. Thérapie de groupe. Faites attention. Bouclez votre ceinture avant de démarrer. Oh. De quitter le stationnement. Ouais. Ou en tout cas, n'importe. Il y a quelque chose avec faire le plein là-dedans, mais ça marche pas. Oups. mais après, on a se baigner tout nu. Se baigner. Oui, ouais. Le bain de minuit. Ouais. Hein? Ou sans dire se baigner, mais. Il y en a qui. Patauger quelque part. Ouais. Ou il y a. Ou juste courir tout nu, je pense. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui ont très très chaud. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, surtout sur le haut de la tête, là, je pense qu'il y a une zone chaude. Ouais, c'est ça. On cherchait tantôt sur Internet comment ça fait qu'on a juste une petite partie chaude sur le haut de la tête. On peut pas vous dire. J'ai pas trouvé encore. Ouais. Ben, en tout cas, ça, restons à l'hypothèse. Ouais. On a ce spot-là. Mais souvent, ces gens-là, ils font moins à ce temps-ci de l'année. Ouais, ben, tu remarqueras bien. Je sais pas, quand t'es sous, là. T'as chaud, puis ça se peut que t'es dans la neige. Ça se peut. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça se peut. Un bain de neige. Il y a le carnaval. Un bain de neige. C'est ouais, vrai. Mais, c'est ça. Mais ils étaient tout à jeun quand ils l'ont fait. C'est ça. C'était 10 heures le matin. Ils devraient faire ça plus tard. Hein, ouais, quand, ils ont, quand ils ont bu. Ce serait moins douloureux. C'est vrai. Hey, chose vraiment niaiseuse. Ça m'arrive tout le temps. Okay. Mais vraiment systématiquement tout le temps. Tu t'en vas dans une soirée, que t'aies bu ou pas. Ça m'arrive okay. pareil. Tu t'en vas dans une soirée, mais il faut juste que tu restes longtemps. Mm-hmm. T'es avec quelqu'un qui a bu ou pas, et il y a beaucoup de monde. Fait que là, la personne va à la salle de bain, va fumer une cigarette, peu importe. Fait que là, à un moment donné, tu trouves que c'est long. Ouais. T'as un texte, tu fais « Hey, est-ce que tu t'en reviens bientôt? » T'es-tu correct? Ouais, t'es-tu ouais. correct ou quelque chose comme ça. Mais là, elle prend du temps avant de répondre. Fait que finalement, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, elle te répond « Ben, je suis à tel endroit. » Fait que tu t'en vas à tel endroit pour découvrir qu'il est pas là. Puis là, tu finis par la texter infiniment oui. pendant 5-10 minutes pour juste découvrir qu'elle était à l'extérieur vraiment longtemps, qu'elle a jasé longtemps avec quelqu'un, puis finalement, elle a fait juste son petit flip-flop à la salle de bain. Son voilà. petit flip-flop. T'appelles ça comme ça, toi? Ben, un aller-retour. Ben, ça sonne plus comme... un numéro 2 flip-flop, ça. Flip-flop. Non? Je sais pas. Non, je sais pas. Numéro dans 1, c'est un flac-à-flac. Oh boy. Puis numéro 9, un flip-flop. Je sais pas, ça sonne j'sais de même pas, dans ma tête. Moi, ça sonnait autre chose que j'oserais même pas dire. Ah non! Ah, ok, ce genre de flip-flop-là. Ah oui, genre. Ah, ok, elle pas partie de ça. Un fripépouille. Non, non. on n'a pas eu. Encore là, on n'a pas le même flip-flop, mais bon. On va arrêter avant que ça soit un vrai flop. Si y a du monde mais non, mais il y a des gens comme ça, quand ils sont en état d'ébriété, ce genre de flip-flop-là dans la salle de bain, c'est quelque chose de courant. Oui, badaboum badabing. Oh, ok, on est rendu au badaboum badabing. Eh boy, hein. On marche par onomatopée ce matin. Ouais. Ben, je découvre que dans mon vocabulaire nono, ça en fait partie. Ouais. Ça rentre dans les choses stupides qu'on fait sur l'état de... Ouais. Ouais. Parler en onomatopée. Ouais. Ouais. Hey boy. Hey, hey, comme nom de chronique, nonomatopée. Bon, on l'a. Ah ouais. On y va. C'est nonomatopée. C'est une chanson qui fait juste des « Ouh! » Puis des « Bam! » Comme dans Batman dans le temps. Oui. Batman! T'as pas embarqué, t'as dit. Non, je suis désolée. Alors, après, on a oui. perdre quelque chose. Perdre. Ah l'objet. Oui, genre, perdre de quoi, le Mathieu, là? Ah, ta virginité! On parlait pas de ça. On parlait plus genre de clé de maison. Ton téléphone, ton portefeuille. Ouais, ouais, mm-hmm. mais tu peux tout perdre. Oh! Ah, il y avait des regards ouais, ici. Il y avait des regards. C'était chaleureux. Ouais. Exactement. Je m'en pas dans quel sens. Je t'aime, Mathieu. Elle va me texter. mais il y a aussi perdre sa dignité. Oui, ah, oui, oui. Ouais. Oh mon Dieu, ça. Il y a donc beaucoup de gens sous l'effet de l'alcool qui perdent ça. Il y a aussi se perdre. Oui. Oh, OK, comme dans un endroit. Oui, dans un endroit où... Je suis rendu où, genre? Où te rendre chez vous, ouais. d'une quelconque façon. C'est vrai, perdre tes amis. Perdre tes amis, dans les tous texter, les sens tourner du terme. En rond. Ouais. Après, pour se rendre à la maison, il y a le fameux raccourci. Oh, c'est... tu vois, moi? À pied ou en voiture? Non, à pied, accompagné toujours par, à pied. OK. À pied, parce c'est que... pas un raccourci, mais c'est ce qui fait que non, tu perds, ou... Admettons, on va se le dire, là. Je parle pour peut-être les étudiants ou même les personnes qui vont dans un endroit qui est proche de chez eux, ouais. retournent à pied, ça prend 5 à 10 minutes ouais. ou peut-être 15. Tu c'est pas prends si un raccourci. Long que ça. Fait que là, tu fais comme, hey, je vais prendre un raccourci. Ben oui. En temps d'intelligent, ouais. Tu sais, il y a quelque chose auquel tu dois faire un saut, tu sais, genre un ruisseau. Là. Normalement, il est bien correct, tu sais, que tu peux tu marcher. Fais, ouais. y a comme, tu vas à côté, mm-hmm. mais là, tu prends le raccourci du raccourci. Fait que tu choisis de sauter par-dessus le ruisseau. Et ça finit bien. Ben oui, oui. ça finit et tout ça à bien. Et ça finit toujours, toujours très, très bien. Et on sait que quand tu passes dans un parc et que t'as bu, c'est toi qui deviens le creep du oui, parc. Oui, oui, c'est ça. C'est, il faut oui. le comprendre, ça. Hein. Pour elle. Surtout au centre-ville, s'il vous plaît. C'est ça. On a souvent, en plus, l'impression que il faut que ça soit des personnes avec un style particulier mm-hmm. ou un physique particulier. Mm-hmm. Mais au final... Quand tu disais que tu sautais par-dessus un ruisseau, c'est tantôt ça. Tu sautais par-dessus Stéphane Ruisseau. Ouais, lui, il est creep aussi quand même un petit peu, fait fais attention. Dans le parc. Je sais pas. Ouais, oh, déguisé en Miss Jigger. No boy. Ouais. Après, là, ça, c'est des choses stupides, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui volent des choses. Genre, un sous-verre. Ah oui, oui, oui. Un napkin. Tu peux voler le napkin que tu veux. Tu mets ça où ton buck? Je sais pas. OK, moi, je pense à trop de gens qui l'ont fait, mais voler un cône. Ah, mon Dieu, dans oui, rue? De construction. Ouais. J'ai une amie qui s'était... Pour ne pas nommer de nom, j'ai des amis qui avaient déjà fait ça et ils s'en étaient fait une lampe dans leur appartement. Oh, wow. C'est Pinterest, pas mal. Ouais, c'est vraiment cool. Ou une pancarte de plancher mouillé. Ou c'est... Que tu mets sur ta porte de chambre. C'est drôlement sexuel, il ça. Il me semble qu'à un moment donné, ça a été comme une mode, puis il y avait comme un listing de trucs à avoir. Là, comme la liste au carnaval, genre comme de trucs des défis, ça c'est ça. Moi, en tout cas, je parlerai pas pour moi, mais j'ai vraiment... En tout cas, mon frère qui a 7 ans de plus et ses amis... Ils ont fait ça. Il y avait un bon amas de choses à l'époque. Ouais. Parfois, c'est des noms de rue. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça ne pas ton parking, frère a le même âge que le mien. Ça se peut. Donc, de voler ces choses-là. Il y a aussi... tourner des pancartes. Tourner des pancartes. Ah, ben oui. Ouais, en tout cas, chez nous, ça se fait parce que c'est petit, fait que ça reste longtemps. Tourner une pancarte, mettons, ça pointe vers une direction. Tu tournes, ça pointe vers un autre. Oh. Ou cul-de-sac et genre changer de bord. Ou, sac de cul. C'est ça. Ou ton stop est tourné du mauvais sens. Ouais. Nous, en plus, que c'est dans des. D'où je viens, c'est des petits villages. Fait que tu tournes le stop de bord, puis le lendemain, tu te promènes, puis tu. Il y en a qui disaient « Ah, mais je peux ne pas faire mon stop. » Ah oui. Donc, ouais, tu tournes le poteau de dentaire. Là. Tu vas pas aller traîner ton tournevis et tes pinces pour te débrancher. T'es en état d'ébriété quand même. Là. Tu fais tout ça de façon intelligente. Mais c'est vraiment dur en passant. Oui. Ça doit. Quand j'étais petit, je me rappelle qu'il y avait un stop à notre arrêt d'autobus qui était chambranlant. Puis on s'amusait dessus. Ben oui. Jamais on a réussi à le casser, le tourner ou à faire quoi que ce soit. Donc, quand t'es sous, t'as comme une force surhumaine. Ben peut-être. Ou du moins, t'as d'autres amis qui sont nono. À la limite, on se rend vers l'épée. Qui choisissent de le faire quand même. Ben, quand t'as le choix avec ton pouvoir. Il y en a qui deviennent ingénieurs, hein, sur l'effet de la gueule. Ah, c'est drôle. Oups. parlant de poteau ou de pancarte, on a fraternisé avec l'objet qui fait qu'on peut se tenir encore debout. Ah ben oui, clairement. Te rapprocher du coin du bord. Ouais, c'est ça. Genre. Hey, merci, toi t'es un vrai ami. Hey, ça t'es pas mal beau ce soir, ton bout de drette là, gris, là, je sais pas, là, mais tu le trouves beau le poteau. Ouais, c'est vrai. Vraiment, là, puis... Tu te mets à lui faire des choses moins catholiques aussi. Oh, boy, oh, OK. Je sais pas quel genre de personne tu croises dans ton village. Ah non, attends un petit peu. Ça, c'est parce que tu files juste... Il y en a qui ont leur personnalité, ils deviennent encore plus clowns. T'es roulé. Ouais. Tu sais, des fois, ça m'arrive d'être drôle dans la vie en général. Je veux pas... C'est très subjectif ce que je viens de dire. Donc, ça m'arrive d'être plus drôle quand je suis sur l'effet d'alcool. Donc... ça peut que je fasse des petites choses. On lui paye un verre avant chaque chronique. Ouais. Tu peux te parler seul aussi. Oui. Pas obligé de parler au poteau. Oh. Ça, je savais pas. J'ai déjà vu des gens dans des autobus. Qu'est-ce qu'ils se disent? Montréal, être très, très. Ah, mais ça, c'est peut-être plus des maladies mentales, non? Non, non, non. Non? Tu sais, genre, ils pensent que leur ami est à côté, là, mais débarquer à l'autre station. Ah, wow. Puis le laisser tout seul, tourner chez eux. Oh. Puis ils parlent. Ouais, mais tu sais, à soir, on faisait. Oups. Là, ils se racontent qu'il n'y a pas personne à côté. Oupsie! Uh-oh. Ou, moi, je suis tellement tannée, là. Tu sais, il y a tout à juste ça qui sort de leur bouche. Ils sont souvent à côté au bord, ceux-là. Vous remarquerez bien. C'est triste. Après, je me suis aussi inspiré de quelques trucs qu'on voyait sur des vidéos fails. Oui. Genre, ceux-là qui ont de la misère à se tenir debout, tout court. Ceux qui s'essaient d'aller à de drôles d'endroits. Ou, tout simplement, ceux qui essaient de monter une côte. Ah, ouais. Glacé, c'est encore pire. Non, mais sans même que ça soit glacé... Et tu les vois commencer croche avec le tu sais comme le dos reculé par rapport à leurs fessiers, donc tu vois déjà que ça part pas bien. La vidéo commence et il avance, donc il avance pour peut-être avancer et reculer. Ouais, c'est vrai. Leur progression va vers l'arrière. Reculer pour mieux avancer, hein, comment dire. Ben c'est peut-être le principe, c'est ça qu'ils se disent. C'est ça. Alors à tous les étudiants qui sortent le mardi. Il y en karaoké. A qui ne devraient pas sortir le mardi. Donc, pour le karaoké, parfois, on se sent comme une rockstar. Ouais, ouais, ouais. Ça, vous ne l'êtes pas tout le temps. Non, non, moi, je... Après six pichets de rum and coke, vous ne l'êtes pas. Je me suis limité à chanter du Plume la Traverse. Ah, oui. Ou du Mononcle Serge ou peut-être du Normand Amour parfois. Ah, okay. Mais souvent, ils n'ont pas ça dans leur banque. Fait que ça me va très bien. Ah, voyons donc, les classiques québécois. Mais moi, je me dis, oh, tant mieux, j'arrive, puis j'ai ces trois limites-là. Ils l'ont pas. C'est ça ou rien. Tant mieux. La tête. Tant mieux. Tant mieux. Avoir des discussions pas pertinentes. Ben oui. Juste ben pour ben être ben intéressant. Oui. Dans le même style que faire chanter une chanson comme un refrain de toune, hein, mm-hmm. que tu connais pas. Okay. Tu sais, mettons, le meilleur exemple, c'est... Bon, elle passe souvent quand on va à l'impro, donc Footloose. Oui, oui, ben oui. Puis là, tu fais juste dire Footloose. Footloose. Vraiment c'est un vieux jeu de mots, mais bon, il y a toutes ces tu sais... Wow! Là, je sais pas trop... toutes les tunes pop qui sortent, là. Mm-hmm. Puis là, tu connais... trois mots dans le refrain. OK. Puis il y en a six, on va se dire. Il n'y en a pas bien plus que ça. Non, c'est tournant. Les trois autres, tu les marmonnes ou tu dis autre chose que tu penses que c'est ça mm-hmm. pour finalement, tu sais... C'est vrai. En tout cas, essayez de chanter. Parfois, on n'est pas toujours des rockstars. Après, on s'est dit tout dans le côté amoureux tout à l'heure. Je reviens sur quand t'as une date ou quelqu'un que tu trouves beau, mm-hmm. Tu fais des petits looks, ouais. mais subtils entre guillemets. Tu penses que c'est subtil? C'est ça. Il y a beaucoup de guillemets. J'espère que c'est pas ça que tu y fais. Mais plus ça va, plus tu fais des rondelles. Tu t'en vas à côté. T'as la chef, tu fais des guillemets d'en face. Hein, guillemets. C'est Guylaine, mon nom, pas guillemets. C'est ça. Oh boy. Mais c'est ça, faire des petits looks à la personne ou tout simplement cruiser. Ouais, ouais, ouais. C'est pas donné à tout le monde, hein, ça ouais. brosse. Ça. Non, mais même ça brosse ou pas, là, le cruiser en général, c'est tellement nono, là. C'est pas mal la pire affaire. Ouais, parce ouais. qu'on va se dire les vraies affaires. Là. Bon. Quand t'es intéressé envers quelqu'un, mm-hmm. puis que l'autre personne est intéressée, ouais. mettons, mais tu sais pas. Ouais. Peu importe la niaiserie que tu vas dire, ça va marcher. Parce que les deux sont intéressés, ouais. C'est ça. C'est sûr. Ben, mais ça tu dépend. Tu sais pas. Mm-hmm. Si toi, t'es intéressé. Admettons, Tania. Simulation. Mettons, Tania, que t'es intéressant envers ouais. moi. Ouais. Okay? Puis moi, je suis intéressant envers toi. Ouais. On va te voir. J'ai beau te dire. Les rouges sont violettes, les c'est bleus fait sont. Ça, je suis retourne d'abord, okay. c'est sûr, même. Non, mais mettons que je t'ai dit de quoi, là. Je te philosophe quelque chose, là, pour te faire ouais. tomber dans mes bras. Ouais. Ou que je te dis juste, genre. Hey, oui, pète. Voilà, ça ouais. vient de marcher parce que je t'ai fait sourire, puis au final, j'aurais réussi ma cruise. Mais ça dépend dans quel état je suis. Aussi, ben oui, ça marche de bord, ça. Ouais. Oh oui, on s'entend. Tu peux pas dire n'importe quelle niaiserie, mais. Non, c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est en général, tu surréfléchis trop. Ben ouais. C'est là que tu fais un move. C'est vrai. Vraiment ah, mais c'est nono. Il y a des experts en cruise qui parlent de la règle du je crois que c'est peut-être 7 ou 10 secondes. Quand tu vois quelqu'un qui t'intéresse, t'as 10 secondes pour aller la voir et dire quelque chose. Ah, parce que ouais. sinon, ton inhibition va commencer. Ouais. Ah, voilà. Mm-hmm. OK. Je sais pas si c'est 7 ou 10, on s'en fout. Mais il y en a qui sont en état d'ébriété là, qui pensent qu'ils ont une chance. Ouais. Ah ouais, ça c'est autre chose. Ouais. Quand t'es en ébriété, il me semble que t'as déjà moins de chance si l'autre personne ne l'est pas. C'est faut ça. Que les deux soient égales, je pense. Mm-hmm. Hein. Ils pensent que tu y lances des regards. Ouais. C'est juste louché, mais. C'est ça. Oh. Tu sais, quand il faut que tu dises ça pour t'en sortir. Oh, excuse-moi, je louche. Oh, boy. Avez-vous déjà. Non, c'est ça. Ah, c'est plus de mon ange. Ça a commencé. La fameuse mode du planking. Ben oui. Ben oui, ben oui. C'est sûr. C'est se tenir à l'horizontale ouais. sur quelque ouais, chose ouais, qui ne devrait pas. Ouais. Ben, ça, quand t'as un verre ou deux dans le nez. Ça, c'est encore. Ça donne de drôles histoires. Ça pogne encore. Hein, ça pogne encore? Non. Ok. Non, c'est fini. C'était okay. là quoi, 5 ans. Ah, c'est ça. 6 ans. Ah, tu voyais quelqu'un à un moment donné, là. tombais dans le bord, t'es en train de faire le plank. Voyons, ben, c'était tu ça, ça. Tu plais dessus. Oh, excuse-moi, je t'ai pas vu. C'est un drôle de moment pour choisir d'aller se mettre à l'horizontale, de contracter ses abdos sur un objet inudit. Ouais. Un objet inudit, en tout cas. Okay. mais ça donne de drôles d'effets. Clairement. Je vais vous dire, juste comme ça, un petit conseil, un panier d'épicerie, c'est difficile, ne le faites pas. C'est de planquer là-dessus. Oui, ben, ça se fait, mais c'est difficile. Il faut quelqu'un pour le tenir. Ouais, non? C'est ça. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Ou tu le fais quand ils sont dans leur fil de panier à l'entrée. Tu sais. J'avoue, ça c'est vrai, mieux. Ça serait peut-être plus facile. Puis si jamais vous choisissez quelqu'un pour le tenir, il faut que ce soit quelqu'un de confiance, parce qu'après, la personne peut décider d'aller faire son épicerie avec. Oui. Et te faire un petit tour. C'est donc, ça. Puis planquez pas sur les petits paniers pour enfants. Non, non, non, faites pas ça. Ou planquez pas sur ceux qui ont un bâton comme chez Dollarama, ça pourrait être douloureux. Ouais. Ouais, après, ah oui, il m'en reste deux. Okay. Donc on a encore un petit on peu. On parle d'alcool, tout le monde, pour ceux qui suivent pas. Monter sa tente trop tard. Bon. Si t'es en camping, tu parles. Ah, OK. Ouais. Parce que je monte rarement une tente en plein, non. En plein salon. Ouais, ouais. Et moi, c'était pas du jeu de mots sur ta tente. Non, c'est ça. Je me doutais que ça allait. Ça s'en venait, hein, c'était clair. Trop facile. Mais là, franchement, Trop tard, surtout le trop tard. T'aurais dû te prendre avant. Ah, c'est ça. Dans le temps que je te. Franchement. C'est ça, dans le temps que je te bordais. Aïe, aïe, inconduite, wow. Là. Inconduite. Hashtag Time's Up. Mais monter sa tente trop tard, tu sais, c'est toujours difficile. Surtout. Mais pourquoi t'as bu si tu vas en camping, man? C'est ça qui est nono, là. Ah, il va se péter le crâne sur la table, Marc. Attention. Je vois juste Tania rire trop le, à chaque fois qu'on dit monter sa tente trop tard. C'est parmi mes gags préférés de l'histoire. Moi aussi. Monter les tentes. Ah. Ou partir le feu. Partir. Oui. Essayer de partir le feu. Ouais. Ça, c'est épais, par exemple. Oui, c'est ça. C'est comme jouer avec le feu. Là, pas ouais, mal. C'est littéralement. C'est pas un Game Boy, tu sais. Non, c'est ça. Hein. Souvent, il y a juste des allumettes en plus. Mm-hmm. Hey, restons-y. Oui. Ne complétons en camping. Pas ça. Non, c'est bizarre. Non, mais... on s'en sort, justement. OK, OK. Dernière chose qu'on fait... c'est têter quelqu'un pour lui dire j'ai faim. Ah, ah oui, ok. Non, je, hey, franchement, j'allais pas arrêter encore ma phrase. Têter ta tante. Après monter sa tente, on a têté quelqu'un. Ok. Non, mais quand t'as vraiment faim, ouais. T'es à la ouais. Sortie des. Ouais, des bars. Tu fais hey, let's go, on va manger. On va manger quelque part. On va manger quelque part, la poutine. Ouais. Fait que, ou. Puis là, tu te rends à un endroit où est-ce qu'il y a une commande à l'auto. Mm-hmm. On nommera pas beaucoup de chaînes qui ont 24 heures, mais on va tous penser à la même. Oui. Okay. Il y a un tu prends cet endroit. Oui, Wagdo, c'est ça. À cet endroit-là, et là, obviously, c'est pas toi qui conduis. Mais non, clairement. Parce que c'est ton chauffeur désigné. C'est ça. Et t'es passager ou en arrière. Oui. Et là, tu dis... Ça va être sur trois factures! Ça va être sur trois factures. Fait que là, tu te mets à faire des factures. Mais surtout, toi, vu que t'es pas conducteur, tu fais... Hey, je peux dire des niaiseries. Ouais, ben oui. Ben, oh mon Dieu. Comme un enfant. Classique. Mmh. Ouais, fait que là, tu te mets à faire ton kid à dire plein de jokes, de marde à côté. Mmh. Puis là, tu te trouves drôle, puis tu fais rire tes chums en arrière sur la banquette. Chose en fourrure ou pas. Ouais, c'est ça. Mais t'en un shake au Big Mac. Ben, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mal, hein? Mais surtout, le plus nono là-dedans, c'est... Attention. Tu dis des niaiseries en tant que passager... Mais tu te rends pas compte que, en fait, dans ta tête, tu penses que la personne au comptoir ne t'entend pas. Ben ouais. Sait pas trop que c'est toi. C'est vrai. Ça, c'est totalement nono. Ou tu. Il y a des gens là, qui sont désagréables. Là. Ils vont les envoyer piètre. Oh non. À la commande à l'auto. Tu sais, là, ils sont dans l'auto. Ils commandent, puis ils vont bypasser la. Ils prendront pas leur commande à la fin, ils paieront pas. Non, mais tu sais, la personne dans la voiture, ouais. À côté, elle est comme hey, t'es une gueule! Ouais, wow. Ah ouais, travaille plus vite! Ich. Ça, c'est des comportements. La file était longue! Mm. fait 2 minutes, tata, calme-toi. Ouais, mais tu sais, ça, on peut toujours être un peu épais, là, mais ce qu'il faut être, c'est comme attachant. Il y a aussi, tu sais, moi dans la vie, j'ai de la misère à pas dire merci trop intensément. T'es tellement respectueux. Je me rends compte, plus ça va, plus je pense que je crée des malaises avec ça, parce que des fois, quand j'ai un verre ou deux dans le nez, je dis vraiment trop merci à la barmaid ou au barmaid. Ouais. Mais pas dans le sens que je veux le cruiser, mais je fais comme... Hey, cette personne-là rush depuis tellement longtemps à donner plein de verres, fait que je me dis, si je peux avoir genre un petit 3 secondes pour juste dire un beau merci, puis genre passe une bonne soirée. On doit l'apprécier. C'est sûr, mais genre, je me dis, tu sais, je dois avoir l'air d'un... D'un gars qui est d'un autre, c'est ça. d'un autre number. Hein? C'est ça. En tout cas, mais dites merci quand même. C'est, ben oui, ben oui. Faut pas s'empêcher. Tu aurais tippé aussi. Ben oui, ah, tu sais, comme plus t'es sous, moins tu tippes, on dirait. Ouais. C'est platonyme, la fille en arrière du bord. Ouais, tellement. C'est ça. Puis elle, tu deviens encore plus de plus en plus désagréable. Exact. Ça devrait aller en montant aussi. Hey, on te tippe puis on te remercie. Merci. Hein? On te lance des piastres. Insérez-les dans la fente que j'ai sur ma tête. Je m'en ai pas vraiment. On doit le dire, il y a quand même un crâne qui a de l'allure, Marc Lachance. Il s'est fait raser pour le camp, là, mais ça arrive des mauvais crânes. T'es bien tombé, ça. Pas sur ton crâne, chance. Ça a pu. Avant de terminer, je vous encourage à faire le défi du mois de février, qui est de ne pas boire. On fait ça, nous autres. Hein? On le fait. Mais en tout cas, bref, si vous ne le faites pas, juste peut-être d'y penser ou d'avoir ça en arrière-pensée, au sens où la prévention, ça commence juste par comme un état d'esprit, hein, parfois, ou juste un mode d'être. Donc, si vous continuez de boire durant le mois de février, mon but n'est pas de vous décourager, mais plutôt de vous dire, si vous avez des jeunes ados qui sont à côté de vous et que vous pouvez leur faire un petit signe de temps en temps, ça peut être bien. Parce que je rappelle la statistique qui m'a vraiment choqué, mais le 44% des jeunes qui ont 16 ans et moins ont déjà consommé de la drogue. Il y avait un autre beau chiffre sur les jeunes de 12 ans et qui avaient quelque chose comme une trentaine de pourcents qui avaient déjà bu de l'alcool. C'est quand même... La deuxième statistique est peut-être moins bonne, c'est à revérifier, mais c'est quand même gros. Donc, juste d'y penser. Ouais. Oui. Tu fais bien le dire. C'est vrai. Puis si ça peut être votre motif pour commencer votre mois de février sans alcool, ben tant mieux. Voilà, motif et motivation avec une petite morale à la fin. Moi, je pense bien, oui. En fait, on est déjà en train de... C'est venu de là, on en a discuté avec quelques amis. Puis on va peut-être être une coupe à le faire. Tu vas faire toutes les causes, hein. Tu te fais raser le crâne, tu vas arrêter de boire, je sais pas, tu vas porter le petit truc du cancer du sein bientôt. Puis, je sais pas, peut-être. Tu vas tout faire les causes. Mon but n'étant pas de faire ça, pour vrai, je me suis rasé la tête en me disant, c'est simple comme geste, je vais ramasser quelques dons, ça va être ça. C'est un bon gars. C'est vrai, parce que c'était pas compliqué. Ouais. Je me disais, ben... Je serais dû pour une coupe de cheveux, puis ça me demandera pas gros efforts. J'ai assez long de cheveux pour que ça choque les gens. Ben oui. Puis j'étais là, ben, je vais ramasser un petit montant, puis ça va être ça. Ben oui, t'as bien fait. Puis très bien, c'est réussi. Ouais, ouais, c'est ça. Marque la chance. On te retrouve la semaine prochaine. J'espère que là c'est reparti. Là. Oui, fort probablement. J'ai ressorti un petit peu d'autres idées, donc on devrait être reparti, oui, pour un bout de temps. Good. Merveilleux. Peut-être que je vais prendre off durant la mi-session, la fin de session. Peut-être, mais le reste, ça devrait aller. On va te prendre pendant que t'es là, Marque la chance. Allez, on te retrouve aussi à la Luître tous les lundis soirs à 20h. Mathieu et moi, on participe aux 28 jours sans alcool ce mois-ci et c'est la première journée du défi. Par contre, c'est la 5e année que le défi existe déjà pour la Fondation Jean Lapointe. Donc, il y a eu une année bisextile là-dedans. Est-ce qu'ils ont fait un 29? On va demander à la porte-parole qui est Éliane Gagnon qui est au téléphone avec nous. Bon matin! Bon matin! Bonjour! Éliane, ça fait 5 ans que le mouvement existe, mais cette année, tu te trouves à être porte-parole de l'événement. Qu'est-ce que ça fait un porte-parole d'événement pour le 28 jours sans alcool? Ça apporte la parole. Ça apporte la bonne nouvelle par rapport au défi 28 jours. En fait, c'est sûr que moi, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, là, considérant mon parcours, mon établissement et tout. Donc, 28 jours sans alcool, c'est un moment pour prendre soin de soi. 28 jours dans une vie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur quand on consomme pas. Ouais. C'est une pause. C'est, ouais. C'est ça, c'est une petite pause de la vie effrénée qu'on mène. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est important d'en parler, tu sais, de m'associer à cette cause-là, parce que c'est ma cause. De conscientiser, parce que là, hier, c'était Belle cause pour la cause sur la santé mentale, oui. Là, c'est sur l'alcool aujourd'hui. Donc le mois, le début de l'année 2018 est quand même là pour conscientiser le monde. Oui, exactement. Conscientiser, mm-hmm. puis informer, on peut dire aussi d'informer mm-hmm. les gens par rapport aux dangers reliés aux abus d'alcool. Mm-hmm. Parce que la consommation d'alcool, c'est une chose, mais les abus puis les excès, c'en est une autre, là. Puis c'est ça qui peut être vraiment dangereux sur le long terme, même sur le court terme, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on le sait aussi, c'est un mouvement quand même qui a gagné en ampleur. C'est quand même rendu mmh. important aussi. Et on est associé avec la Fondation Jean Lapointe en participant à ce défi-là. Mais on vise vraiment là, la prévention de la toxicomanie et de l'alcool au niveau des jeunes. Exactement. Oui, c'est ça. C'est dans le but, dans le fond, d'amasser 500 000 $ qui vont servir à... donner des ateliers dans les écoles secondaires pour la prévention de la toxicomanie, comme tu l'as dit. Il y a quand même beaucoup de jeunes, je pense en haut de 75 000 jeunes peuvent être sensibilisés grâce à vos dons. Ça augmente, comme tu dis, à chaque année. Donc, l'année passée, on a amassé 324 000. Cette année, l'objectif est de 500 000. Fait que ça peut aider vraiment beaucoup de jeunes, en fait, à se conscientiser puis faire des choix éclairés par rapport à leur consommation d'alcool. T'sais, c'est possible de... Quand on commence à consommer très jeune, pardon, c'est là que les dangers sont... Les dangers sont là, t'sais, parce qu'on n'est pas encore en mesure de... On n'a pas le jugement ouais, encore à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, tout notre cerveau n'est pas formé complètement. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Pour avoir commencé à consommer très très jeune puis qu'il n'y avait pas de prévention dans les écoles, ben on s'entend que je pense que c'est important. Une fois que l'habitude était prise, c'était difficile d'arrêter. C'est ça, exact. Plus tu le fais longtemps en plus, plus ça doit être difficile d'arrêter, j'imagine. Ouais, il y a plein de facteurs. Prédisposition, tu sais, c'est. Ouais, génétique. Génétique, milieu familial, etc. Le comment ton corps supporte l'alcool, tu sais, moi je sais que ça fait pas, mais puis il y a beaucoup de gens à qui ça fait pas, mais on continue de le faire parce qu'on pense qu'on fonctionne. Ben, on pense que c'est un phénomène de société aussi. L'alcool est partout là. Pour avoir du plaisir, on dirait que les gens ont besoin de ça, mais t'as pas besoin de ça pour avoir du plaisir dans la vie, non? Ben non, c'est ça. Puis en fait, c'est que en plus quand t'as une prédisposition, mettons à l'alcoolisme, c'est que c'est pas le fun. C'est pas le fun. Mais tu continues de boire parce que t'es malade, t'es comme mais ça va être différent cette fois-là. Puis tu sais, non, c'est jamais différent. C'est toujours de pire en pire. Surtout quand t'as la maladie, tu sais. Mm-hmm. Bien, on parle de jeunes, surtout pour faire la prévention dans les écoles et tout ça, mais les chiffres sont quand même, je veux pas dire alarmants, mais tu sais, ça ouvre un bon œil sur justement la consommation des jeunes. Un enfant de 13 ans sur 4 a déjà bu de l'alcool, 83% déjà à 17 ans, c'est même pas 18 ans encore, là, c'est avant l'âge légal. Ouais. Ouais, avant l'âge légal, puis j'ai entendu dire que normalement, faudrait commencer à boire de l'alcool à environ 24-25 ans parce que cause de toute notre formation de justement cerveau, on a fini de grandir puis de mais on consomme à 18 ans, tu sais, parce que c'est légal à 18 ans. Même 21 ans, ce serait pas le bon âge, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis là, avec la mode du Four Loko en ce moment. Oh my god. Sérieux, c'est disponible en épicerie, je veux dire, dépanneur, n'importe quoi là. Ah, c'est du gros sucre, c'est juste que tu as l'impression finalement que tu bois du jus, mais tu bois 12% d'alcool. Mm-hmm. Ouais. C'est terrible, il y a des gens qui sont morts. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment ça. Une chance qu'ils font espacer avec une paille, parce que ça aurait vraiment l'air du jus. Ben, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui boivent ça avec des pailles, qui mettent ça avec avec du Red Bull. Oui, c'est ça, la fameuse... La combinaison mortelle. Oui, exactement. Ouais. C'est la pire affaire. Puis si tu ne le sais pas, ben c'est là que les dangers sont, en fin de compte. C'est, au moins, si tu es informé, tu peux faire « OK, ouais, j'avoue que peut-être 12% d'alcool avec un Red Bull, puis en plus, du jus par-dessus ça, c'est fou parce que ça amène au blackout, ça amène à des situations qui peuvent être extrêmement dangereuses. » Mm-hmm. On dirait qu'on n'en parle pas, justement. Tu dis la conscientisation, montrer aux gens les effets néfastes que ça peut avoir. On conscientise les gens sur les relations sexuelles, sur des trucs comme ça, mais je pense que ça, je sais pas, j'en vois pas autant. On n'en parle pas beaucoup. Non. On n'en parle pas tant que ça parce que, ben, il y avait l'article de Patrick Lagacé ce matin qui sortait, qui, c'est que c'est la drogue la plus, c'est une drogue, tu sais. Ben oui, tout à fait. C'est accepté. Puis c'est tellement vieux, comme tu as parlé de culture, on est dans une culture où c'est la consommation, la surconsommation, puis c'est juste ça que la société nous propose, tu sais. Mais la culture de la sobriété, moi, c'est ça que j'essaie de faire aussi, ben, que je suis en train de faire avec Sober Lab, c'est de développer une autre culture, de rendre ça accessible. C'est que la sobriété, c'est, d'un, c'est le fun, puis de... C'est pas juste au niveau de l'alcool puis de la drogue, tu sais. On s'entend, les dépendances, là, on peut en parler, il y en a beaucoup, là. Mais discutons-en un petit peu de Sober Lab, parce que oui, t'es porte-parole pour l'événement 28 jours, mais t'as ton petit projet à toi quand même, qui est Sober Lab, justement. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en ce moment, c'est soberlab.ca, c'est une plateforme qui fait la promotion de la sobriété à travers la créativité, une communauté. Puis c'est en développement en ce moment, mais en gros, c'est vraiment pour amener les gens à oui, se conscientiser par rapport à leur consommation, mais surtout rendre ça le fun, rendre la sobriété le fun. Puis ça s'adresse, oui, à des gens qui se rétablissent d'une dépendance, principalement, c'est-à-dire des alcooliques ou des toxicomanes ou encore là, des dépendants au sexe. N'importe quelle dépendance peut trouver son compte sur le soberlab.ca. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui veulent avoir un mode de vie sain, créatif, tu sais. Donc c'est une plateforme où on peut échanger, comment ça fonctionne? Entre autres, échanger, être inspiré. Là, il y a beaucoup de développement en ce moment, fait que je peux pas tout te dire, mais en gros, c'est pour de l'inspiration quotidienne, puis une communauté où les gens peuvent échanger. Sans jugement. Oui, exactement. C'est ça, parce que c'est difficile, apparemment, d'arrêter de boire et de te faire juger par tout le monde. Ben oui, effectivement, on s'entend, t'es un alcoolique, t'as tout perdu, tu vis en dessous du pont Jacques Cartier. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie de l'alcoolisme qui se rendent très loin, parce que c'est ça que ça fait, cette maladie-là, ça t'amène dans la destruction totale. Mais par contre, il y a des gens aussi, des mères de famille, des avocats, des juges, des comédiens, des gens, des monsieur, madame, tout le monde qui peuvent être atteints. Puis l'alcoolisme ne fait pas de discrimination, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs types, on s'entend. Il n'y a pas besoin de boire un verre par jour pour être alcoolique. C'est une souffrance, c'est un vide, c'est un mal-être. C'est une maladie de l'homme. Puis on est beaucoup de gens à être atteints, puis on le sait pas. Sober Lab, c'est entre autres pour ça, c'est pour éclairer les esprits, tu sais. La première étape, c'est de s'en rendre compte, je pense, c'est ça. Exactement, prise de conscience. Je le dis souvent, s'il y a une prise de conscience qui est faite, ben après ça, il y a des actions qui peuvent être posées, puis les actions, ben ça peut juste être pour, finalement, prendre soin de nous, puis devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ben justement, au niveau des actions, on voit de plus en plus là, des bars, des restaurants présenter des listes de ce qu'on appelle des mocktails, donc des versions virgin, en fait, de cocktails. On a aussi le Bockel qui est associé aux 28 jours, qui ont créé une bière sans alcool, vraiment, pour la cause cette année. Y a quand même du mouvement là, à ce niveau-là dans la société, heureusement. Oui, effectivement, il y a du mouvement. On commence à en parler plus ouvertement. Les gens... Moi, j'ai remarqué beaucoup avec le mouvement Sober Lab que de plus en plus de gens sont fiers de leur établissement, d'en parler, parce que comme la maladie mentale, c'est aussi une forme de maladie mentale, l'alcoolisme, c'est le plus on va en parler, le plus on va être ouvert à propos de la maladie, à propos de l'alcoolisme, le plus de gens vont pouvoir s'en sortir, parce que c'est une maladie qui isole. On s'isole, puis l'isolement, c'est ça qui... C'est briser les tabous derrière ça. Oui, tout à fait. Belle pour la cause, là, l'alcoolisme rentre là-dedans. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le lien tantôt. Ça, on dirait, pour moi, ça va ensemble. Tout à fait. L'un peut mener à l'autre. Ben oui. En fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont souffrir d'alcoolisme et qui ont un problème de santé mentale en premier lieu. Parce que aussi beaucoup de gens qui ont une maladie mentale vont être médicamentés, puis là, on mélange les médicaments avec l'alcool, etc. Fait que c'est des cocktails complètement chimiques, là. C'est mortel, en fait. C'est, Est-ce qu'on voit une réponse positive, justement, quand on fait le tour des écoles? Tu sais, on parle de la Fondation Jean Lapointe qui est là pour justement faire de la prévention. Est-ce que les jeunes ont une bonne réponse par rapport à ça ou on sent que c'est encore un petit peu comme, ben, tu sais, je suis jeune, mais je veux quand même essayer, ouais, c'est ça? Ben, moi, pour mon expérience personnelle, je donne pas les ateliers de la Fondation. Par contre, je me suis beaucoup promenée dans les universités avec Soberlab, puis j'ai fait quelques petites conférences à gauche, à droite, puis j'ai passé à un moment donné un moment avec des jeunes de 18-19 ans dans un concours entrepreneurial, puis je leur ai parlé de Soberlab, puis les jeunes étaient tellement ouverts, puis conscientisés, puis ils étaient comme, ils voulaient faire le défi, entre autres, un mois, puis ils me parlaient de leurs excès, tu sais, on parlait d'excès, puis c'était comme, OK, t'es conscient que tu fais des excès, puis, mais il y avait une ouverture à mon discours, tu sais, à ce que je leur racontais, puis... Mais c'est ça, là on parle de 8 jeunes de 18-19 ans, des gars. Les jeunes plus jeunes, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que de plus en plus, plus on va en parler, plus ça va pouvoir voyons, entrer dans les esprits, tu sais, puis certainement, puis c'est, ça peut juste être bon pour ta santé personnelle aussi, là. Ton corps va te remercier à la fin, là. Ah, man, sérieux, oh. Moi, ça fait 2 ans que mon corps me remercie. Oui, c'est ça. C'est le jour et la nuit. Oui. L'alcool, tu sais, c'est tellement... j'ai juste un mot néfaste, mais en même temps, je veux pas démoniser. Non, c'est ça, parce qu'avec modération, ça va, mais c'est facile d'embarquer dans un pays de tout le temps prendre ça. Oui, puis la dépendance physique, ce qui arrive, c'est que la dépendance physique, elle nous guette tous. Mm-hmm. Fait que t'as beau pas être un alcoolique, tu dis, ouais, moi, je le contrôle. Tu sais, moi, je l'ai contrôlé pendant 15 ans, mon alcool, je pense. Tu sais. Mais l'affaire, c'est que la dépendance physique, c'est la première... C'est ça qui nous touche en premier. Tu sais. Fait que là, tu te rends compte, tu sais, j'ai besoin de mon verre. Pour fonctionner, pour être de bonne humeur, pour avoir une vie sociale, etc. Ouais. Exactement. Puis là, t'arrives au 5 à 7, puis t'as pris un verre, puis, oh, ben non, mais je vais en prendre un autre. Puis finalement, tu te rends compte que t'as fait 4-5 à 7 dans ta semaine, puis t'as bu 25 consommations, 30 consommations, puis ton niveau d'efficacité, de productivité au travail descend, les finances, tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de boire. Toutes les raisons sont bonnes pour boire au départ, et toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de boire à cause des raisons que t'as utilisées pour boire. Exactement, les mêmes raisons qu'on a fait. Je vais te demander, Tania a parlé de mocktail tantôt. Est-ce que tu as une petite recette? Quelque chose que tu bois là, de ces temps-ci? Parce que, Caroline, tu as envie de boire quelque chose de fancy. Là. As-tu une petite recette, quelque chose? Ouais, c'est difficile. Hein? Ouais. Non, c'est vraiment une bonne question. J'avoue que j'aime bien ce qui goûte un peu le mojito, mojito. Donc là, tout ce qui me rappelle, mettons, mes années de consommation, genre, on dirait que je suis pas tant là-dedans. Tu fais une association mentale. Hier, sans alcool, ça me fait pas triper, tu sais. En fait, j'aimais pas l'alcool, moi, je buvais juste pour me saouler. Ah, ok. Ah, mais c'est intéressant. Très intéressant, on en parlerait pendant vraiment beaucoup plus longtemps que ça. On pourrait en parler pendant vraiment longtemps. Oui, c'est ça. Tu viendras nous voir en studio à la place pour en parler. Oui, ben avec plaisir, vous êtes à Trois-Rivières. Hein? Exactement. Ben, c'est pas loin, je vais venir vous voir. Good! Et c'est une promesse, ça, faite en nom, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est enregistré, là. J'attends votre invitation officielle sur mon courriel. Super. Et Yann Gagnon, Colin, c'est un plaisir de te parler vraiment de ça. Ben, j'espère que Trois-Rivières va être... partant pour embarquer dans le défi dans mon team. J'ai le team Soberlab qui est actif. On n'est pas beaucoup là, on est genre juste 7. OK. Donc là, moi, j'aurais aimé ça. Mon objectif personnel, c'est 500$, mais chaque personne qui rentre dans mon équipe peut avoir son objectif personnel. Oh. Fait que dans le fond, mettons que tout le monde a un objectif de, je sais pas, 100$, puis qu'on est 10 personnes. Ben, ça fait 1000$ plus moi 500$, ça fait 1500$ d'objectif pour cette année. Donc là, j'ai un objectif très modeste, on s'entend qu'on en veut plus. Mais c'est pour dire que je vous attends dans mon équipe Soberlab. Okay. Ah bien, certainement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'à participer, on va le faire avec joie. On a fait une promesse, t'as fait une promesse, tout le monde va faire des promesses, puis on va les tenir. Une promesse en onde. C'est ça. L'idée, c'est d'en parler dans ton entourage, de faire comme, ah ouais, tu veux pas faire le défi, c'est pas grave, 28$, juste pour la cause. Oui, c'est ça. Puis solliciter les gens, puis là, les gens sont tannés de se faire solliciter, mais c'est ça, tu sais, si on veut une société plus en santé, puis plus heureuse, ben, faut y contribuer. Ça va bénéficier à tout le monde, exactement. Au final. Exact. Voilà. Wow. Hey, c'est une belle morale, ça. Tellement. Ouais. Hey, ça finit bien, hein? Ben oui, c'est ça. Ah. All right. Merci, Eliane. Hey, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Eliane Gagnon de SoberLab.ca. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Assemblage requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on découvre un produit de tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai acheté en pharmacie, en épicerie, en dépanneur, quelque chose du genre, quelque chose qui va nous donner peut-être mal au ventre, quelque chose de sucré. Dans ce cas-ci, Tania, j'ai apporté, attention, j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai ici? Une Snickers Crisper. Oh my God, OK, qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, ça ressemble à une Snickers, hein? Oui, mais ben oui, plus croustillante, probablement. Donc, on parle de chocolat au lait, on parle d'arachide, de riz croustillant et de caramel. C'est fourni en deux carrés, c'est 190 calories par portion, donc j'imagine que c'est par carré, environ. Sûrement. Ouais. On va essayer de lire les ingrédients, un petit peu. C'est chocolat au lait pour commencer, hein? Substance laitière, pâte de cacao, lactose, et après ça, ça continue. Il n'y a pas grandes informations de plus dessus. On dit que c'est une barre friandise. OK. Et si je regarde à l'intérieur là, du petit morceau de chocolat, là, ça a l'air d'être par couche. Donc, une petite couche de riz croustillant en dessous. Et le caramel par-dessus avec des arachides, j'imagine. Oh. Sûrement arracher des riz mélangés ensemble. Je te lance ça. Attention, lâche ton sel. Lâche ton sel. OK. Wow! Le micro magique qui nous attend, comme toujours, est allié avec son grand talent d'ouverture d'emballage. Je tiens à dire que là, c'est un emballage de bar quelconque, fait que je devrais y arriver plus qu'avec un sac de biscuits ou avec un sac de chips. C'est 190 pour les deux petites tablettes. Pour les deux ou juste pour un? Pour les deux. OK, ah oh ouais. Donc c'est pas si pire. Non. Ça sent chocolaté, les amis. Le carré est quand même pas mal gros. Volumineux, ouais, c'est des grosses briques, là, des grosses crottes. Ouais, cubique, pas mal. Cubique, prisme rectangulaire. Ça sent la Snickers, man. Ben, j'espère. Je te donne ta partie. Merci. Donne-la à notre public visuel qui va aller voir ça plus tard sur Internet, sur la page Facebook. J'ai eu peur de me rasseoir par terre en me rassoyant, mais... En passant, ceux qui vont regarder la vidéo, là, c'est la clochette du Le Vrai Le Faux, ça. Ouh, extrêmement intéressant, hein? Tu sais, la radio visuelle, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Pas pour tout le monde. Bref, goûtons un petit peu. Oui. Hein? Je sens, moi aussi, voir. Ça sent... Dans une Snickers, il y a du beurre de pin, hein? Oh non! Non! Il n'y a pas de beurre de pin dans une Snickers. Je trouve que ça sent un peu le beurre de pin. T'as raison, c'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce que ça va goûter le beurre de... Ben, c'est sûrement à cause des arachides, non? Probablement, quand ouais. on y pense. T'as bien raison. Est-ce que ça sent le riz? Non, parce que le riz, ça sent pas grand-chose. Le riz en temps normal, ça devrait rien sentir. Allons-y. Ok, croquant. Ben, c'est pas si crispy que ça. Un peu. Ok. Ça goûte un peu la crunch à cause du riz soufflé. C'est ça, dans le fond, ils ont juste ajouté du riz soufflé. Mm-hmm. Pas mauvais. Écoute. C'est très très sucré. C'est extrêmement sucré. Trop sucré. C'est wouh! Pour vrai, tu sais, la Snickers, c'est genre, t'as pas pris ta Snickers, ça va t'activer un petit peu pour la journée. Aïe, aïe, aïe. Ça, ce carré-là, en tout cas, ça va t'activer pour la semaine, je pense. C'est incroyable. Il y a quand même une bonne épaisseur de caramel. Mm-hmm. J'aime beaucoup le caramel, tu sais. Et ouais, on le sent. Le chocolat au lait goûte le chocolat normal là, au lait. Ouais. C'est par quelle compagnie déjà, ça? C'est pas... Wonka? Je trouve pas le nom de la compagnie. C'est Mars. Ah! J'avoue, Mars Snickers, ça a du sens. Ouais. Je préférerais la Snickers normale, on dirait. Parce que c'est un seul morceau, ça se mange mieux comme une barre que comme des carrés. Moi, j'aime bien le fait que c'est un carré. C'est une portion. T'as un immense rage de sucre. That's it, t'en prends un. Tu manges pas la barre au grand complet. Il dit sur l'emballage que c'est 190 calories pour les deux carrés. Ça, c'est une portion. Une portion, c'est deux carrés. Ouais, je sais. Mais si t'en veux juste un, faut que tu prennes une demi-portion. Ben, la demi-portion est parfaite, là, dans le fond. Ouais, j'aime bien. J'aime ça. Ouais. C'est sûr que je mets mon pouce en l'air pour ça. Je mange un petit peu moins de chocolat qu'avant. Mais je dirais que quand j'en ai envie... Je mange plus de chocolat, puis... Ça te manque pas? C'est sûr que je cours partout à l'heure. Est-ce que ça te manque depuis que t'en manges plus? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Bon. Je trouve ça extrêmement sucré présentement. Vraiment. Mais tu sais, sucré luxueux quand même avec le riz croustillant, ça fait fancy un petit peu, je trouve. Ouais. Pour ceux qui aiment les crunchs, là, pas pire. Bref, voilà, pouce en l'air pour moi. Toi aussi? Ouais. Good. Excusez, j'essaie de pas parler, la bouche pleine. Ouais, non, c'est ça. Le petit test de faire une vidéo avec ça, c'est vraiment poche. Pas sûr. Faut être plusieurs pour pouvoir me filmer pendant que je mange aussi. Pour avoir différents angles. C'est ça de la radiovisuelle, différents angles. Bref, voilà. C'est tout pour ça. Je pense qu'on va être dû pour aller boire un petit peu d'eau. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment sucré. Un petit peu de riz de poignée dans... Non? Ouais, c'est ça. C'est en plein, ça. Du riz dans le mauvais boyau. Ouais, bon, hein, je m'excuse. Mon Dieu, ça fait de la belle radio sonore. Ah, tellement. Ah, radio visuelle et radio sonore aujourd'hui. Écoute. De toutes les dimensions possibles. Il est comme collé sur une paroi de ma gorge, là. Le grain de riz? Ouais. Ça marche pas, ça. Tu sais, ça gratouille un peu, là, mais... Ah, il va falloir que t'ailles boire un peu de sauce soya pour... Ah, je pense que je vais prendre une bonne petite gorgée de rien, parce qu'on a rien en studio. Non, de l'eau. Ça, on a le droit, de l'eau. Sébastien Viertin qui est là. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est avec ta capuche, de même, ça? Tu veux avoir l'air de il fait froid. D'un seigneur Sith, je sais pas quoi. Hein? Il fait froid. Bon, d'accord. T'as mis un gros foulard, t'as une capuche. Il fait frais, t'as ciseaux au matin, je sais pas. Tu m'as fait qu'elle a un très gros foulard, mais les bras à l'air. Tu sais? Ben, justement. C'est ça. Ouais, mais j'ai pas froid, là. T'as pas froid sur les... J'ai pas froid, ses bras. Sur les bras, OK. Bref, Sébastien Viertin, voici son bulletin, Viertin. Sébastien F. Viertin, qu'on accueille comme ça chaque mercredi matin en début d'émission pour parler d'actualité, de ce qui se passe dans le monde, souvent approfondir un sujet de l'actualité. Oui. Je savais pas quand est-ce que ta phrase finissait. Oui. Ben, d'habitude, elle finit sur une grave, d'actualité. D'actualité. Professionnelle. Ouais, c'est bad, tu sais. Un petit ton radio-canadien. Ouais, mais pas en même temps. T'sais. Mais vraiment pas. Ouais, pas. Ouais, c'est ça. Ça, t'entends pas ça à Radio-Canada. Non. Oui. Ouais. C'est. Moi, j'ai pas d'autres phrases. On approfondit des. C'était ma dernière phrase d'émission, en fait. Ok, ouais, c'est ça. Après ça, c'est juste la musique, puis. C'est des chroniqueurs. Oh, shit! Puis Tania qui fait le reste de la job. Exactement. C'est ça. Hey, bonne note. Une blague! Hey, prends ton trou! C'était une blague! Hey! Retourne dans la cuisine! Oh, ben, ok. Prends ton trou, le chandail. J'ai fait le même gag hier, mais. Vraiment plus exploité, mettons. C'est ça, explicite. C'était vraiment, en tout cas. On jase de quoi, matin, ça? Parlant de choses explicites. Oh, oh! J'ai un grand titre qui punch, le coût de l'éducation. Oh! Hey, c'est clickbait. C'est drôle parce qu'en plus, ça a vraiment pas... ça n'a pas rapport tant que ça avec ça, mais je pensais en m'en venant matin que, hey, c'est vrai, il y a comme Gabriel Nadeau-Dubois qui vient faire une conférence demain midi à la chasse. Gonade, comme on l'appelle. C'est à la chasse? C'est à la chasse-galerie qui vient? Ah, je sais pas. C'est dans le pavillon Nérébeauchemin. Ouais, OK. Hein? Ah, bon. Ben, tu sais, c'est vrai, Astor s'est rendu un député, fait que plus de gars. C'est ça. Tout ça dans le 10-12. Ouais, probablement. Non, d'habitude, il a tendance à attirer pas mal de monde quand il vient, fait que, effectivement, la dernière fois, quand on l'avait reçu à la chasse, il était pas encore en politique, puis ça avait refoulé pas mal. Et peu importe la salle, tout le monde est à gauche. Non! Place à droite, ma! Balaboum, pshh! Ouais. Non, le monde de droite vient aussi, puis là, il crie des niaiseries dans le micro. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est pas pour parler de ça pendant tout, mais c'est drôle, en fait, ça va rappeler un peu son passé de militant pour la gratuité scolaire, parce qu'en fait, c'est un peu de ça que je veux parler. Ah, OK. Parce que, puis là, mon idée, puis là, c'est que j'ai comme deux sujets en dedans de un okay. qui mènent un peu sur la même conclusions, mettons. Dont un qui va me sortir un petit peu de ma zone de confort en parlant d'éducation, parce que je vais parler aussi de primaire, secondaire, puis tout, puis tout. T'enseignes au cégep. Ben, j'enseigne pas présent. Pas présent. Hein? Non, mais c'est ça. C'est, je veux dire, c'est ça que je veux ça. Faire. Ouais. C'est ça, la remise en question de la crise de la... T'entends? Hein? Ouais, c'est ça, donc... crise de la trentaine, Mathieu? Je sais pas. C'est qui? L'as-tu, toi? Ah, c'est un ami. Ah, OK, ouais, c'est ça. Un ami. Qui te ressemble pas mal. Le... Travaille dans une radio communautaire. C'est trop longtemps. Ouais. Le... C'est ça, ben fan d'Apple aussi. Oui. C'est donc, les. Parce que Mathieu n'a pas un iPhone X dans les mains. Ben non! Mais non, c'est à la table. C'est ça. C'est... Donc, je peux m'en servir pareil parce que le Face ID marche pas quand j'anime. Fait. Ah, ben ouais, hein, c'est plate. Ouais. Le micro ne fait pas partie de ta face encore. Mais c'est pas encore un vrai. Ouais, c'est ça. Le... Mais ça marche quand j'ai genre un gros foulard avec un bord de manteau sur ma bouche. Ça débarque. Ah? Je comprends. Ah ben, mais... c'est bizarre. Mais bon. Hey, émission de service. Ben mon oui, hein, hey, clairement. Hey, vois si on fait. On, fait on dérape, hein? On dérape. Donc, c'est ça, je voulais parler d'éducation. Vu là déjà 5 minutes. C'est que, bon, deux choses qui ont sorti dernièrement. D'un, moi, ça, ce qui m'a amené à vraiment parler de ça. C'est une nouvelle qui a peut-être eu un peu moins de traction dans le coin parce que ça s'est passé à Sherbrooke. Okay. Au cégep de Sherbrooke. Puis là, avant toute chose, on considère que le cégep, le niveau collégial, il y a la gratuité scolaire déjà. Là, le monde va faire quoi? Ben non, il y a des frais de scolarité. Pour ça, ouais. Il y a des frais afférents. C'est-à-dire, c'est des frais d'inscription, des frais de choses comme ça, mais il n'y a pas de... Les cours en tant que les cours ne coûtent rien. Ça coûte genre 100$ aller au cégep. Ouais. Ça dépend des cégeps. Parce que ça, c'est rendu plus proche de 200-250$ parce que les frais afférents, ça monte tout le temps aussi. C'est ça. Mais c'est à peu près ça. Donc, il fut un temps où c'était 50$ pour un cours à l'université aussi. Ah oui. Wow. Tu sais, des années 70. Ah, ouais. C'est ça, exactement. Ah, mais la valeur de l'argent aussi. Ouais, la valeur de l'argent aussi, mais ça reste que, bon, par rapport au coût de la vie, c'était. Et ça a augmenté en tabarouette depuis ce temps-là. Ouais, hein? Ah, ouais. On est rendu à quoi, 250 à peu près, 300 coût de la vie, pour un cours? Hein? C'est ça. Non, c'était 50 par session avant, là. En tout cas, bref. Ça pour dire qu'on parlait du collégial. C'est ça. Donc, en principe, étudier au collégial, ça devrait être gratuit. Bon, évidemment, on s'attend à avoir acheté quelques livres, mais au collégial, il y en a une bonne partie des. C'est plus encouragé. Ça dépend des cégeps aussi. Mais c'est généralement plus encouragé que les profs fassent des recueils de notes. Mm-hmm. Ça, ils ont un certain budget qui coûte rien. Un peu comme au secondaire. Mm-hmm. Donc, pourquoi ça coûte rien, le collégial? Je vais revenir sur. La grande théorie de pourquoi les défenses. Puis là, je vais annoncer mes couleurs tout de suite. Je suis pas nécessairement le plus grand défenseur de la gratuité scolaire moi-même quand on est dans les études supérieures. Moi, je pense que l'important, c'est l'accessibilité, peu importe comment tu gages ça. Mais la gratuité scolaire a ses défauts aussi. OK. Comme point de vue autre que ce qu'on a présentement, c'est-à-dire une sorte d'accessibilité, mais qui est un peu de la bullshit parce que, ben. L'aide financière ne suit pas du tout le coût de la vie puis le coût réel des études, mais ça, bref, c'est même pas de ça que je veux parler. Au collégial, D1, c'est très rare, j'ai pas les chiffres, mais c'est très rare les gens qui sont capables d'avoir de l'aide financière au collégial du gouvernement. C'est important de le retenir parce que où est-ce que je voulais en venir avec ça, la nouvelle qui m'a fait parler de ça, c'est que au cégep de Sherbrooke, il y a un programme en graphisme. Ouais. Une technique en graphisme. Jusqu'à cette année, le cégep fournissait des ordinateurs pour le cours. Et si vous vouliez arriver avec votre propre ordinateur, qui soit dit en passant, doit être un Mac. OK, oui. Puis pas un MacBook Mac Air, récent, un MacBook Pro. Là. Ouais. C'est quand même, tu sais, du graphisme, là, ça prend un peu de muscle là, dans l'ordi. Donc, généralement, un Mac ou un PC qui va revenir le même prix parce que pour faire la même job en termes de graphisme, il faut que ce soit plus fort que le Mac. Un peu, ouais. C'est ça, t'as pas le choix d'avoir une grosse machine de guerre. Souvent, t'es même d'un PC. Là, je fais un peu de déformation professionnelle parce que je vends des ordi pour payer mes comptes. C'est ça, ouais. Mais t'es quasiment obligé d'aller dans un gamer si tu veux absolument avoir du PC, ce qui revient encore plus cher qu'un Mac. Non, c'est ça. Dans un laptop, évidemment, parce que tu vas le transporter parce que tu vas l'amener à l'école. Donc, c'est ça. Fait que t'as plusieurs mille pièces à mettre sur un ordi ou le cégep t'en fournit un. Or, c'est ça la pogne, c'est que le cégep de Sherbrooke a cessé de fournir les ordis et c'est vraiment 100% des gens doivent se procurer un ordi ayant les performances requises pour être un ordi de graphisme qui plus est, un laptop parce qu'il faut qu'il l'amène au cégep. Donc, ce qui augmente vraiment le coût du cours, sauf qu'en tant que tel, t'as un ordinateur là-dedans, mais... Ouais, mais ça la reste la barrière d'entrée que, du cours. Ben, tu sais, si je vous dis un Mac, tout le monde a dans la tête un peu les coûts que ça coûte. Le plus petit MacBook qui fait la job, c'est un MacBook Pro. Avant les taxes, on est à 1 800 $ à peu près, 1 900 $ en fait. Là, on a des accessoires à ajouter à ça parce que les nouveaux MacBook de cette année, ils n'ont plus de prise USB dessus. Fait que là, t'es pogné à t'acheter comme pour 200 $ d'adapteur si tu veux fonctionner normalement avec. Tu peux pas y aller juste avec le trackpad, ça te prend une souris. Là, t'as plus de prise USB, fait que ça te prend une souris Bluetooth. En tout cas, tu sais, ça finit plus. Fait que tu t'en tires. Tu sais, il est déjà pour l'encore travailler là-dedans, dans les articles, il disait, ah, c'était pas loin de 2 000 $. Je disais 2 000 $, c'est conservateur en tabarouette. C'est vraiment conservateur. C'est si tu vas tout dans le minimum, puis t'es graphiste, Colin, tu vas pas aller tout dans le minimum, parce que si tu vas dans le minimum, ton ordi qui t'a coûté près de 2 000 $, ben de un, il va te manquer de quoi, ou de deux, ben tu vas avoir un ordi pas tout à fait assez fort, puis tu vas le péter après 2 ans, de toute façon. C'est ça. Tu sais, tant qu'à investir là-dessus, tu vas gaspiller du temps à attendre aussi que les choses se génèrent. T'es quasiment rendu à 3 000 là. Donc, c'est de l'argent. Considérant que même ceux qui sont ses prêts et bourses, t'as à peine 10 000 par année pour vivre. Faites le calcul, c'est pas gros, là. C'est pas gros par semaine. Puis là, tu vas chercher 2 000 de tout ça. Puis là, ça a insulté bien du monde, le fait que le cégep propose des affaires comme prenez-vous une marge de crédit étudiant, ben retirez un peu de vos REER, des affaires comme ça. C'est insultant, hein? Tu peux pas être. Pas dire d'autre chose. T'as pas vraiment tant commencé à avoir des REER, si t'es encore au cégep. T'es au collégial, surtout. Chose importante à spécifier, c'est pas comme de dire à des futurs médecins, par exemple, mettons, rendus à l'université, « Ah, vous avez moyen de vous endetter, vous allez être médecin. » Les graphistes, c'est pas du monde qui vit extrêmement richement dans la vie, surtout au début de carrière. C'est plus une passion d'autre chose, là, Tu sais, tu peux bien gagner ta vie comme graphiste. Il y en a beaucoup qui le font. Mais, tu sais, comme tel, Mathieu, c'est un peu ça que tu fais des fois pour le... Tu fais un peu toute la radio, mais tu sais, pour la radio et le journal, mais tu sais, ça reste que c'est un peu... une job de graphiste que tu fais, tu peux vivre très correctement de ça. Tu peux aussi ne pas. Mais t'es pas millionnaire, puis t'as pas une job assurée en sortant de l'école, puis les places de graphiste, un peu comme photographe, puis un paquet de jobs comme ça. C'est une job que le monde un peu ignorant pense qu'ils sont capables de faire la job. Tout le monde dit ça, Tout le monde pense que j'ai fait mon logo dans PowerPoint. Ben ouais, c'est ça, tu sais. C'est vraiment pas rien que ça, être graphiste, là. C'est développer un logo qui va faire l'effet que tu veux que ton logo fasse aussi, là. Puis c'est juste le faire comme faut aussi, d'une manière qui va être utilisable dans toutes les situations que tu en as besoin. Parce que les SMAT qui vont faire leur logo, c'est PowerPoint ou Paint, là, ben c'est parce que le trouble, c'est qu'après leur logo, ben là, il est en bitmap, tu peux pas l'utiliser pour refaire ça. Fait que de toute façon, il va falloir qu'un graphiste passe dessus quand tu veux faire des imprimés ou des choses comme ça. Exactement. Fait que de toute façon, mais ça, tu sais, ça, c'est une job de même. Ça, pour dire que c'est un bel exemple de... Il y a comme de quoi qui tourne pas rond. Tu sais, il y a comme un débalancement entre ce qu'on demande aux gens versus ce qu'on leur donne. Ouais. Fait que ça, gardons ça en tête, okay, le débalancement. Puis, une chose aussi, là, j'ai l'air de faire passer le cégep de Sherbrooke pour les gros méchants. De un, il y a déjà d'autres cégeps qui avaient déjà cette pratique-là. C'est sûr que ça leur coûte cher. Je connais ça donne que j'ai une couple d'amis, puis ça, c'est des affaires que t'entends au bouche-oreille à Manet, veux, veux pas, qui étudient en technique de sono, faire des sonos d'événements, puis faire du mixage, puis tout. C'est l'autre affaire que tout le monde pense qu'ils peuvent faire. Oui. C'est ça, tu sais. Assoyez-vous devant Audacity 2 secondes. Moi, je suis pas capable. Non, sérieusement. Là, composer de la musique, juste pour le fun, juste pour le voir. C'est ça. Voir c'est si ça marche. Puis, je veux dire, c'est pas pareil comme ça. Si on l'entend, je l'entends aussi des fois. Tu sais, c'est pas compliqué d'installer un cinéma maison. Ah ouais, t'es capable de faire une calibration de speaker en tenant compte de la distance. Puis tu l'as à la machine à 2 000 $, tu fais ça, tu vois. C'est ça, donc, même affaire, c'est au cégep de Drummond. Pis ça n'a pas sorti des médias, ça, c'est parce que je connais du monde qui font ce cours-là présentement. Ils ont la même exigence depuis que le programme existe depuis 2 ans, à peu près, 2-3 ans, puis ils ont la même exigence, en fait. Faut qu'il y ait un ordi récent, un Mac, en fait, parce que les autres, c'est carrément un Mac, parce que leur logiciel, il y en a certains qui sont juste compatibles à Apple. Ben ouais. Ils sont juste compatibles avec les plugs d'Apple aussi, parce que tu as du matériel à rajouter ces ordis. En Thunderbolt ou un truc comme ça. C'est ça. Donc, t'as pas vraiment le choix d'aller avec du Mac dans ces cas-là, puis c'est comme la référence dans l'industrie. De toute façon, c'est pas leur rendre service de rapport sur le PC. Puis là encore, ben, c'est des Macs à 2 000-3 000 $. En fait, ils suggèrent le gros à 3 000 $ parce que ça va avoir l'air drôle, mais c'est encore plus demandant de faire du son. C'est la machine. Bref, Tout ça pour dire que c'est pas rien que le cégep de Sherbrooke qui sont des pas fins, puis notre affaire à tenir en compte aussi, ben c'est parce que ça fait 4 ans que les puis c'est pas, en fait, même quand ça a commencé, c'est pas nouveau, mais il y a des coupures dans l'éducation depuis le début du règne libéral, fait que tu sais, des affaires qui, au lieu de monter, ça baisse les coûts. Fait que c'est sûr que, pas les coûts, les subventions. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, something's gotta give. Faut que quelque chose lâche. C'est ça. Il y a quelque chose qui lâche à un moment donné. Ben là, les autres, c'est là qu'ils ont décidé de mais de couper. Ils donnaient les Macs, dans le sens que ça faisait partie du cours. Non, ils donnaient pas les Macs. Ils prêtaient. OK. Je trouvais ça déjà, tu sais, si au moins ils les passaient au lieu des donner. Mm-hmm. Mais ils faisaient déjà ça. Non, c'est ça. Puis ils disent que là, vraiment, des cas particuliers, de ceux qui ont. Là, premièrement, ils se sentent bien généreux. Il y a certains frais afférents qui ont retiré. Mm-hmm. Mais là, c'est quoi comme, tu sais, pour les étudiants de ce programme-là, pour leur permettre d'acheter des ordis, pour alléger un peu leur fardeau? Tu sais, on voit qu'il y a quand même une tentative de faire de quoi, mais tu sais. On va vous donner un étui. C'est quoi c'est ça, tu sais, c'est quoi les frais afférents qu'ils ont retirés sur une facture étudiante de 250$? Quelques dizaines de dollars. C'est ça, tu sais, 50$ sur les frais d'inscription dans le programme. Oh, mon Mac va me coûter 2250$. Ouais, c'est ça, tu sais. Au lieu de 3000$. Ouais, c'est ça. Le bon, tu sais, c'est des affaires comme ça là que ouais, non, mais ils disent bon, il y a des cas particuliers, vraiment ceux qui sont vraiment en situation de pauvreté, ils vont être compréhensifs. Il leur reste encore quelques-unes de ces machines-là, ils vont en prêter, ils vont faire des arrangements, ouais, et ainsi de suite. Pour l'instant, parce qu'ils vont pas s'en procurer d'autres, sûrement, donc ça va être ces Macs-là pendant quelques années, c'est encore. C'est ça. Ouais, en partant, je veux dire, tu peux dans ces domaines-là, tu sais, oui, il faut que tu achètes. Surtout quand tu t'en procures un, t'achètes le dernier, mais je veux dire, ça peut faire pendant plusieurs années. C'est encore. Ouais, c'est ça. Mais surtout, là encore, si t'achètes pas le basic. Oui. Puis sûrement que ceux qui prêtent, ben là, dans ce cas-là, ils vont prêter des iMac qui restent à l'école. Mmh, ouais. En tout cas, bref. Mais là, ça punit encore les gens qui pourront pas travailler chez eux. C'est ça. Mais tu sais, à base, tu sais, je me rappelle quand moi j'étais au cégep, il y a 10 ans. c'était pas encore si répandu que ça que tout le monde ait son laptop au cégep. Ouais, moi j'avais pas de laptop. Ben, pis t'étais pas au cégep il y a 10 ans. Là. Quand j'étais au cégep il y a 15 ans, il y avait pas de laptop. Non, c'est bien. Écoute, je suis en train de réécouter Friends avec ma conjointe présentement, puis ça se passe des années 90, puis ils ont déjà des laptops. Bon, des écrans de 12 pouces, puis c'est plus gros que les laptops qu'on a présentement. Là, mais quand même. Bon, ça existait déjà, puis ça devait coûter comme 5 000$. Ben oui. Mais pour une affaire qui était juste moins forte qu'une tour, là, qui était à peine une tablette. Là. Lecteur CD-ROM. Non, début 90, c'était pas des lecteurs CD-ROM, c'était des floppy disks qu'il y avait dedans. Ah, ouais. C'était même pas des disques durs, c'était des floppy qu'il y avait dedans. Ah, wow. C'est trop loin pour moi. Anyway. Bref, j'ai parlé beaucoup de l'affaire que je voulais plus parler comme en introduction. Mais on voit un peu la chose. Ça crée encore un petit peu d'outrage, ce qui est quand même intéressant, normal, parce que c'est des fardeaux qu'on rajoute aux étudiants, puis à Mané, on voit qu'il y a un stade où ça passe plus. Puis là, c'était pas juste de l'outrage des assos étudiantes et autres gauchistes. Il y avait, tu sais, je veux dire, c'est, si je me rappelle bien, à l'origine, c'était un journal de Québécois Média qui l'a rapporté. Ah, on s'entend que, quand même. Là. Mm-hmm. Si je me rappelle bien, là, je l'ai noté à quelque part, là, mais j'ai pas amené mes notes. Là. L'autre, mais c'est ça. Bref, l'autre sujet. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Tu sais, on parle le coût des études, puis tout. Je disais que j'allais parler de primaire secondaire. Les fameuses écoles privées. Mm-hmm. Primaire secondaire. Ben, secondaire surtout, là. Plus secondaire, mais. Il y en a des écoles primaires privées? Mm. Oui. Ouais. Ah, oui. Je savais pas. Oui. Oh, c'est bien dans la mode à ça. Ça existe, ça. Oui. Quand il y a. Le CMI. Ben oui. Il y a 20 ans de cela, quand j'étais au primaire. Aïe, aïe. on est rendu là, hein? C'est ouais, bon, tu commences à avoir des enfants que ça fait 20 ans. Ouais. Aïe, aïe. Mais, on va devenir vraiment désagréable avec ces références. Ouais, on va arrêter ça là, je pense. Il ouais. Y avait le CMI pour les jeunes filles et il y avait. Comment ça s'appelle? Séminaire. Non, séminaire, il n'y avait pas d'école primaire. Ah, y c'est y avait. Vrai? Voyons, au Cap, là. Ville-Marie. Oui, Ville-Marie. Kérana, c'est à Trois-Rivières. Oui, Ville-Marie, c'est vierte, t'as raison. Ouais, c'est il privé, y avait Ville-Marie qui était privée. À Star, là, il y a celle à Pointe-du-Lac, il y a l'école internationale, il y a, en tout cas, il y en a une couple, mm-hmm. Primaire. Puis c'est ça. Puis il y a le secondaire, puis justement, c'est drôle, le CMI, parce que c'est exactement ça. C'est que, bon, les écoles privées, présentement, bon, ce qu'il faut considérer, c'est que le chiffre qu'il faut retenir, les écoles publiques, le financement normal, ce que ça coûte selon le gouvernement par étudiant, par année, par élève en fait, faudrait dire élève parce oui. que c'est au primaire au secondaire. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment une différence en tout cas bref. Dans un enseignement, ouais ben élève, c'est juste l'éducation de base. Étudiant, c'est que là tu fais des études supérieures. Tu es aux études. C'est supérieures. Ça. Ok. T'étudies un sujet. C'est comme la différence entre professeur et enseignant. C'est ouais. ça. Ouais. Semi. Ouais. Ouais. Ouais. Un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne, tandis qu'un professeur, c'est plus un titre. Ah, OK, oui, un enseignant, comme un docteur versus un médecin. Mm-hmm, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est compliqué, ça. Mm. Mais c'est ça. Donc, on fait de la linguistique. Hein? Ben oui, c'est ça. On apprend des affaires aux gens, émission de ben service. Oui, ben hein? oui. Moi, c'est ces questions-là que j'avais, mais ça t'a interrompu dans ton point c'est complètement. C'est correct, puis là, j'ai complètement perdu mon point. T'étais en train de parler du coût pour chaque étudiant. Exactement. C'est ça, le chiffre à retenir, puis là, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est 5000 quelque chose. OK. Mm-hmm. Par élève au secondaire par année. Oui. Puis là, déjà, là, tu vois le chiffre, tu dis, wow, 5000 piastres par élève par année. Pour, c'est pas scolaire, là. Ouais. Non, ça, c'est au public. Okay, okay, okay. C'est financé à 100%, on considère la facture pour un étudiant. Est-ce que ça devrait... Mettons, si on payait... Si c'était le contraire puis que l'éducation était payante, il fallait que les parents déboursent... 5 000 par enfant. Ça serait 5 000 par enfant. Par année. Par année. OK. Donc, c'est ça que le gouvernement paye par enfant, par année, au secondaire. Puis, pensez à ça, là. 5 000, là. C'est gros, mais ça l'est pas en même temps. Ouais. Tu sais, c'est pas tant que ça, là, considérant tous les coûts qui ont de relié à l'éducation, puis tout. Oui, c'est splitté dans une classe d'une trentaine, puis mais... Puis oui, là, si t'additionnes toutes les centaines de milliers d'enfants au secondaire présentement, ça fait de l'argent à tabarouette, mais c'est pas tant que ça en même temps, là. Faire des sorties scolaires pour du matériel scolaire, pour... Tu sais, c'est con, là, mais juste en termes de bureau, là, c'est niaiseux, là, mais un bureau d'école, là, c'est quand même plusieurs cent piastres, là, ben oui, faire, c'est sûr. Tu sais, c'est pas pour rien, là, que les écoles tombent en ruine pis tout, parce que là-dessus, là, c'est pas rien que le salaire du prof, là, qui est payé avec ça, là. C'est l'entretien des locaux pis tout aussi, là, qui rentre là-dedans, là. Ouais. C'est pas tant que ça. Donc, mais bref, présentement au Québec, c'est ça. On considère que ça coûte 5000 et des et quelque chose, je pense que c'est 5340, quelque chose, là. Par année, par élève. Donc, je l'ai assez martelé le chiffre. D'ailleurs, c'est un nazi, comme dirait Jimmy Tipodo. Bon, on va parler d'autres affaires. Les insultes ad hominem. Donc, il l'a tu dit, hein? Non, il l'a pas dit. Bon. on parle de Jimmy Tipodo, le chroniqueur du mardi, pour ceux qui suivent pas l'émission tous les jours. Premièrement, shame on you. Tout à fait. Hein? Bon. C'est dit. Chez Mandemi, donc. Ouais. Moi, le monde avec qui résonne en absolu de même. Là, mais, ouais, on avait compris le le référent. Alors, c'est des farces de toute façon. Parce que c'est un running gag dans Gang de Philo. Jimmy, il aime vraiment pas être d'ailleurs. Non. Mais bon. Les mauvaises langues diront, c'est parce qu'il l'a pas compris. Mais va falloir qu'il te trouve une insulte à te faire dans cette chronique. Parce que là, faut qu'il y ait un combat. Faut créer la controverse. Il peut hashtag. Non, parce qu'il il respecte ses aïeux, lui. Ah, ok. Parce que t'es vieux, c'est ça. Ouais. Moi, j'étais. C'est la hiérarchie de philosophie. Je parle en joke, ça fait. Il y a 10 ans, j'étais au cégep, puis il y a 10 ans, Jimmy Thibodeau était à la petite école. Oui. Hein? C'est vrai. Donc, c'est ça. Lui, il respecte ses aînés. Ouais. C'est une affaire qu'on apprend à philo, d'ailleurs. Donc. Wow! J'ai vraiment perdu ce que je disais. On parlait de 5300 et quelques poussières par élève par année au primaire pour tout. Officiellement, les écoles privées reçoivent par élève 60% de ce montant-là. Okay. Donc, ça devrait être un genre de 3000 quelque chose. Mm-hmm. Là, ce qu'on a appris cette semaine, qui est nouveau, c'est que le calcul a été mal fait, en fait. Le calcul... Puis là, c'est ça. Là, l'affaire, c'est qu'on tombe dans des affaires de règles comptables, de... C'est-tu rien que ça qui l'explique? Ils l'ont juste pas calculé de la même façon. Mm-hmm. Ils ont pas pris la même règle, puis ainsi de suite. La règle est-tu mal faite? Mais ça serait plus proche de 75%, en fait, ce qu'on donne. Parce qu'il y a des coûts qui changent, puis ainsi de suite. Parce que, mettons, par exemple, les écoles privées, ben le transport scolaire, techniquement, il est pas inclus dans la facture des écoles privées. Les écoles privées, ils ont pas de subvention bonnie pour les élèves en situation de handicap parce qu'ils en prennent pas. Mm-hmm. Et des choses comme ça. Fait que c'est ça. Bref, c'est pas un calcul aussi simple de dire on regarde le chèque que le gouvernement a fait, puis on regarde le chèque que le gouvernement a fait. Fait que là, on dit qu'en fait, il y a un débalancement présentement parce que c'est plus 75%, sachant que ces écoles-là, de un, choisissent leurs élèves, mm-hmm. prennent juste la crème, évidemment, prennent juste aussi, évidemment, ceux que les parents ont moyen de payer, parce qu'il y a quand même un déboursé des parents. Je veux dire, ces écoles-là, faut pas oublier que c'est quand même des organismes à but lucratif. Ouais. Ben oui. Faut qu'ils fassent de l'argent à la fin de l'année. Ben, il y en a qui non. En fait, il y en a qui c'est des OBNL, d'ailleurs. Mais ça, c'est tout un autre univers dans lequel je suis même pas rentré parce que c'est le côté politique qui m'intéresse plus. Ben, c'est ça. Il y a une charge d'une partie aux parents quand même. Puis là, on parle de quand même une couple de mille par année par enfant. Mais c'est sûr. Puis là, c'est là qu'on tombe dans la nuance. C'est qu'il y a quand même deux sortes d'écoles privées secondaires. Il va avoir les affaires, comme on parlait, de ceux qu'on a à Trois-Rivières. Le Séminaire Saint-Joseph, le CMI, Kiarana... qui sont des écoles, je dirais, des écoles privées à prix modique. Mm-hmm. Ou, mettons, moi, des fois, je dis... Abordable. Des écoles privées... Ouais, c'est ça. Des écoles privées milieu de... middle class, gamme, mettons, on va dire demain. Ouais. Middle class. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une couple de 1000 par année. Quelqu'un qui fait un salaire décent, capable de payer ça. C'est un MacBook 12 pouces. Mais moi, j'irais quasiment, genre, c'est une école privée sans spécificité. Ah, OK, oui. Ouais, c'est une façon de dire plus ça aussi. Plus généraliste. Ouais. C'est ça. Un mi-praticien. Exactement. Ça. En même temps, c'est parce que l'autre catégorie que je vais mettre, c'est les écoles privées comme le Collège Brébeuf, ces choses-là, que là, on parle de 24 000 par année. Mais c'est quoi la différence avec ça? Ben, c'est que d'un Collège Brébeuf, ben là, c'est que t'es plus c'est dans Montréal, une école... Hein, ça, ouais, c'est ça. Là, c'est une école de millionnaires. Ouais. Si t'as 25 000 piastres par année à sortir pour que tes enfants aillent à l'école... C'est parce que t'as de l'argent quelque part, là, tu gagnes pas 70 000 par année. Ton bureau est en chaîne massif. Ben, c'est ça. La plupart du temps, ça va être des élèves qui, par exemple, vont faire une discipline quelconque, comme il y a des gens qui font des compétitions de ski. Oui, les enfants peuvent prodiges. Pas aller à l'école. Ben non, mais ils peuvent pas aller à l'école pendant une période de l'année parce qu'ils s'entraînent. Mm-hmm. Mais il y a aussi souvent le fait... ça va aller là. Il y a aussi le fait que c'est une école vraiment pour les justement pour les étudiants, les élèves hyper performants qui on sait qu'ils vont faire des doctorats, des affaires comme ça. Pour les plus doués, mais aussi pour les riches qui veulent avoir la meilleure, vraiment là, la crème, la meilleure éducation. Tu sais, c'est vraiment la Mercedes de l'éducation. Ouais. Si tu une coche avant Poudlard. C'est ça, exactement. Pour donner un exemple, tu dis ça. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait du génie en herbe quand j'étais au secondaire. Mm-hmm. Nous autres, c'était une activité sur l'heure du midi qu'on faisait. On avait une game un soir par mois, là, le soir. Puis c'était ça. Justement, la gang du Collège Brébeuf, il y a Jean Heude aussi. Nous autres, c'était Jean Heude qu'on haïssait vraiment beaucoup. À Jean Heude, c'était leur programme d'études. Ouais. Puis, il y avait une partie de leurs notes que c'était leur comportement pendant les compétitions. Wow. Nous autres, on se rendait jamais aux compétitions parce que rendu aux qualifications, on se heurtait à cette gang-là. Ouais. On se faisait amener des dernières années que j'en ai faites. Ils ont fait carrément deux catégories qui étaient les catégories comme les casual, mettons, comme nous autres. Moi, j'étais, pour dire, moi, j'étais allé au Séminaire Saint-Joseph. Moi, l'école privée, je connais ça, j'étais allé là. D'ailleurs, moi, c'est une chose que j'ai toujours... En fait, là, je vais arrêter de parler de je vais revenir sur le sujet. L'autre chose qu'on a appris cette semaine, en fait, mais c'est pas très nouveau, c'est qu'il y a au moins le trois quarts de la population qui sont contre le financement des écoles privées. Okay. Qui trouvent que les écoles privées devraient être financées à 100% par les parents. Mm-hmm. Tu sais, t'achètes un service, regarde, tu veux payer, paye. Voilà. Fait que ça coûte 5 000 $ et plus pour l'école. Pour les écoles privées. Puis là, c'est sûr que moi, je vais avoir un peu le point de vue que c'est pas tout le monde qui amène, mais c'est le point de vue du côté de l'école privée comme le Séminaire Saint-Joseph. Ouais. C'était le point de vue... C'était ce que ce que je vais dire là, en fait, c'est le point de vue de la... Je sais pas si c'est la fédération qui appelle ça ou de quoi, mais en tout cas, le regroupement des écoles privées, justement, du Québec, ils ont comme une espèce d'association. Leur point de vue, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'est pas que... dans le fond, ce que le gouvernement paye, c'est 60%, mais c'est parce qu'il paye 60% au lieu de 100%. Mm-hmm. Ouais. Parce que le jour que les écoles privées deviennent inabordables, il y a une grosse partie du monde, tu sais, il y a une bonne partie du monde qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée. Écoles privées, là je dis, on oublie les gens des Brébeufs de ce monde. Moi, je parle des écoles privées comme le Séminaire Saint-Joseph, ainsi de suite, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants là à 2000, 3000 par année, je sais plus combien que ça coûte, mais que à 6-7 000, parce qu'on s'entend, ça va être plus que le 5 000, faut quand même qu'ils justifient la différence, là. Fait que c'est sûr que ça reste tout un petit peu plus cher quand même, ils calculent plus par élève Bien, le jour que ça arrive, c'est plus tout le monde qui sont à cette école-là qui vont avoir les moyens. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils enlèvent une pression sur le système public, en fait. Puis là, bien, le problème avec ça, c'est que la pression, c'est qu'ils vont chercher là encore, plus souvent, ils vont chercher le haut de l'échelle, dans le sens qu'ils vont chercher ceux que les parents sont plus en moyen. Donc, qui ont peut-être, parce que tu sais, je veux dire, là, je suis pas en train de faire du classisme, là. Il y a vraiment. C'est reconnu que si tes parents ont plus d'éducation, t'es plus porté à avoir des meilleures notes à l'école. Ouais. Ainsi de suite. Fait qu'on va chercher, c'est sûr qu'on va chercher les meilleurs, puis on les enlève. Et un autre truc à savoir aussi, que c'est très démontré dans les études en éducation aussi, c'est que d'avoir des très, très bons élèves, très performants, ben, ça tire les autres vers le haut, en fait. L'apprentissage par les pairs, c'est quelque chose, puis c'est important. Puis le fait d'avoir des classes le plus mixées possible, c'est bon pour tout le monde, parce que ceux qui sont meilleurs, ben ils développent, ça développe ça développe leur capacité d'empathie, ben simplement, parce qu'ils comprennent que c'est pas tout le monde qui est doué comme eux autres. Puis ça leur apprend à montrer des trucs aux autres, ce qui est toujours une habileté pratique. De l'autre côté, ceux qui ont plus de misère, ben ils se font aider par leurs amis qui sont meilleurs. Ça les aide un peu plus, c'est moins confrontant que de se faire aider par le prof des fois. Puis tu sais, fait que c'est tout ça. Ça c'est assez démontré là. Je veux dire, je suis pas le plus grand spécialiste des théories de l'éducation, mais c'est des études là qui ont été faites là, qui ont été faites et refaites, et c'est des choses qu'on sait. Là. Mais même si t'enlèves les meilleurs, il reste encore les meilleurs de ce qui reste. Ouais, puis il y a des meilleurs qui vont au public quand même. Ah oui. Tu sais, puis moi une chose aussi qu'on entend, puis là c'est là le bout que je vais vraiment plus prendre le côté de ce côté-là de la population, c'est que pour l'avoir vécu, puis tu sais, là, c'est mon cas personnel. Moi, j'ai pas nécessairement l'impression que j'ai eu une infiniment meilleure éducation que si j'étais allé au public. Moi, personnellement, l'école publique à laquelle je serais allé, c'est Chavigny. Ben, c'est ça. Toi, t'es allé là, mais Chavigny aussi, en plus. Ouais, tu sais, Chavigny, c'est quand même. Tu sais, moi, c'est ça que je trouvais drôle, parce que je checkais, puis ça veut dire ce que ça veut dire. Dans le palmarès de la presse, tu sais, des meilleures écoles, c'est la presse, l'actualité, je m'appelle jamais, mais des meilleures écoles par région, ben en Mauricie, le séminaire Saint-Joseph Chavigny sont ex aequo. Ah ouais. Quasiment, en tout cas, tout le temps que j'étais au secondaire, moi je le regardais, puis je trouvais ça un peu drôle. Ils sont ex aequo, tu sais, c'est pas les mêmes choses qu'ils gagnent. Les séminaires, t'avais certains avantages, mais t'avais moins de choix de cours, mettons, t'avais moins de choix de programmes spécifiques. Contrairement à Chavigny, une plus grosse école, fait qu'il y avait, il y avait moyen de faire plus de classes spécialisées, des choses comme ça. L'équipement était un peu meilleur, tu sais, comme moi, au secondaire, on avait des Macs. On avait des Macs qui se faisaient remplacer aux 3 ans. Mais il y a des choses qu'il faut démystifier aussi. C'est, par exemple, si on regarde la Mauricie, si on regarde Trois-Rivières, avant la... Fusion. La fusion, merci Mathieu. Avant la fusion, quelqu'un qui vivait au Cap-de-la-Madeleine ne pouvait pas aller étudier à Trois-Rivières. Ah, oh! C'est vrai, ça change. Selon les commissions scolaires, tu pouvais pas te déplacer comme ça. Même si tu avais, par exemple, si tu avais voulu aller au CMI en habitant au Cap de la Madeleine, bien, avant la fusion, il aurait fallu que tu ailles à Valmarie. Au primaire, mais pour le secondaire après la fusion, bien là, justement, il y a eu fusion aussi des commissions scolaires à un certain point. Puis il y a eu fusion des permissions de ce côté-là. Ben, les fusions de commissions scolaires, ça s'est fait avant les fusions des villes, quand même, plusieurs années avant. Là, mais ça s'est fait quand j'étais à petite école, justement, il me semble. Okay. Mais dans le passé, ça a l'air d'être dans les mêmes coins de temps. C'est surtout pour le transport d'élèves, en fait, que tout ça a été fait, si je me rappelle bien. Parce que quelqu'un qui va au séminaire peut très bien se ramasser à un transfert aux estacades. Ouais. Tu sais, moi, ça arrivait souvent, là. Moi, je l'ai vécu. Mais toi, t'es allé où, maintenant? Aux estacades. Ouais. OK. Mais toi, t'habitais au Cap-la-Madeleine, je pense, en plus. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, moi, j'allais au séminaire Saint-Joseph, puis quand j'étais jeune, mes parents, on restait à Pointe-du-Lac. Ouais. On tapait une heure d'autobus à tous les matins. C'est ça. Mais c'est ça, on faisait un transfert à nous, c'était au parc de l'Expo, puis après ça, on reprenait un autre autobus pour nous amener au séminaire, mais on arrivait tôt en tabarouette, là, parce que les mêmes autobus, après ça, ils allaient faire la ronde de Trois-Rivières. OK, ouais, non, c'était... Est-ce que vous attendiez à l'école aussi, ou les cours commençaient plus tôt dans ce temps-là? Ah non, on attendait plus tôt, parce que... T'es au service de garde, dans le fond. Là, ben, moi, je parle au secondaire. Là. Ouais. C'était pas le service de garde. On y allait à l'école pendant un heure de temps. Exactement. On arrivait à 7h. Il y avait des surveillants. Ouais, on arrivait à 7h15 à peu près, puis l'école commençait à 8h25. Tu pouvais faire tes devoirs, genre, pendant que t'attendais. Ouais, on le faisait pas. Non, on le faisait ça. Mais on prenait des maths. En théorie. Ouais. Séminaire, c'était bien lousse d'ailleurs, ces affaires-là. On pouvait se promener en masse, même en secondaire 1. Ouais. On avait le droit de sortir du terrain. Puis il y a tellement de portes à cette école-là que de toute façon, comment tu voulais que ouais, tu c'est guettes, ça, il n'y a pas, pas assez de surveillants, le nombre de portes là-bas. Oh, on justement, on s'éloigne. Le panneur pas loin. Mais ouais, c'est on ça. On s'éloigne. On parle de notre jeune temps. Et ça fait, on s'est vieillé à nu un peu. Ça nous fait avoir l'air encore plus vieux par comparaison. Ben oui, puis ça. On s'assume, hein? Les cheveux blancs, c'est ça. Ouais, c'est hey, ça. Vous, ça, vous autres? Moi, j'en ai qui sont apparus jusqu'à maintenant. Moi, j'en ai gardé depuis des dernières. Mais, ouais, là, tu t'es fait couper les cheveux, ça paraît moins. Non, ça paraît plus, je trouve. Ah ouais? Dans le mien. Bref. Hey, là, on est loin. Vraiment. Bref. Mais c'est ça. Bref, ça pour dire, il y a de quoi de vaseux dans l'éducation au Québec. Mm-hmm. Or, mm-hmm. moi, une chose qui m'écœure tout le temps, en tant que d'ailleurs que futur enseignant, Si c'est possible. C'est que d'un côté, on va s'outrer de choses comme ça. Mm-hmm. Tu demandes à peu près à n'importe qui, ça arrive, ça a-tu du bon sens de financer les écoles privées? Ils vont probablement dire non. Mm-hmm. Des bonnes chances. Parce que c'est un luxe en tant que tel. C'est un luxe. Moi, ce que je disais en blague, c'est que mes parents s'étaient payés. J'espère, je sais pas s'ils m'écoutent. Des fois, ils écoutent. Moi, je disais qu'ils se sont payés un standing en nous envoyant à l'école privée. Mon c'est fils à peu près est ça. Allé au privé. C'est ça. Tu sais, bon, j'exagère un peu. Eux autres pensaient vraiment nous acheter une meilleure éducation parce que mon frère aussi est allé à la même école que moi. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, moi, quand les gens me disent à quelle école ils sont allés, que ce soit privé ou public, j'ai pas l'impression de parler à des génies quand je parle à des gens qui disent. Mais non, mais je pense que c'est plus l'encadrement autour que t'as acheté quand t'es allé au privé. Mais au final, c'est le même résultat, non? Même là. Encore, moi, c'est l'expérience de vie. Presque tous mes amis de l'époque, j'avais mes amis à l'école, mais en dehors des cours, je me tenais avec du monde de Pointe-du-Lac qui allait tout à Chavigny, puis. Pas mal la même chose. Mais en parlait, c'était pas mal toute la même affaire. Il y a sûrement des petits bums dans le privé aussi. Ben oui, clairement. Il y a c'est des petits bums plus ont... là que dans le public. C'est ça, puis des petits bums que, tu sais, parce que je disais, tu sais, je veux dire, si t'es millionnaire en Mauricie, t'envoies pas tes enfants à Montréal non plus, t'es envoyé à Trois-Rivières, fait que t'es envoyé dans ces écoles privées-là aussi. Il y en avait, là, que leur argent de poche de la semaine, c'était ce que moi, je gagne dans un mois à Star, tu sais, à travailler, là. Fait que, tu sais, que je paye mon loyer pis tout avec ça, là. Fait que, tu sais, oui, à un moment donné, ils s'achetaient des affaires pis c'était pas rien qu'un petit peu de pote des fois, là. Non, c'est ça. On va passer vite sur le sujet, là, mais tu sais, quand t'as ça d'argent, quand t'as plus de 100$ d'argent de poche par semaine, là, regarde, à un moment donné, tu sais. Don't do drugs, t'es il y avait pensionnat aussi au séminaire, oui. La grande là différence. Encore, en fait. Ouais, ah, j'avoue, ça doit être différent, quand même. Ouais, ça, c'est une autre affaire, mais là encore, il y avait des coûts de plus pour ça. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pas pensionnaire. Ben non. Faisait une heure de taux. Ouais, c'est on ça. S'en rappelle. Une heure de tête cul. Ouais, pareil. C'est ça, mon Dieu. Une heure de tabouret. Aller-retour. Ouais. Non, c'était une heure aller, une heure revenir. Ouais. La commute était longue en tabarouette. Okay. Des fois, là, on partait de l'école, on marchait jusqu'au. Là, calculez le séminaire Saint-Joseph au terrain de l'expo, après l'école, là. Puis on arrivait avant l'autobus. Avant le monde qui avait attendu l'autobus. Wow. On arrivait là, puis on avait le temps de niaiser au terrain de l'expo avant. Puis il n'y a rien à faire au terrain de l'expo. Ouais. C'est un terrain. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, au moins on avait marché. Ouais. Ça a dégourdi les jambes un peu après avoir passé la journée assis. Mais ouais, tu sais, c'est pour dire, puis c'était un gros 20 minutes, une demi-heure. Puis là, on partait pas le live tout de suite après. Tu sais, quand on savait que nous autres, de toute façon, la bus passait tard, on se dépêchait pas d'aller à notre case. On attendait que le rush passe, puis. Mm-hmm. Mais oh, ouais. Le rush des cases. Ouais. On retombe en enfance. Mais ce que je disais, c'est ça. Tu sais, d'un côté, on a ça. On a tout le monde, l'espèce de problème que le monde a avec le fait que, tu sais, on dit non, il faudrait que l'école, on veut que l'école soit publique. Puis mais à toutes les fois qu'il y a des coupures, ben là, les milieux syndicaux puis tout ça montent aux barricades, mais on sent pas qu'il y a tant d'appui de la population. Puis quand que les syndicats des profs vont sont en négociation syndicale puis qu'ils tombent en moyen de pression parce que c'est souvent ça parce que le gouvernement comme barre patronale sont assez intransigeants, mettons. Ils sont beaucoup, beaucoup moins portés sa négociation que bien des compagnies privées. Ça vire souvent en moyen de pression. Puis là, le monde back pas tellement les moyens de pression. Parce qu'ils prennent nos enfants en otage. Puis gna gna gna. Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du monde pense que, négociation, moi, quand mon syndicat est en négociation, c'est pour négocier mon salaire et ma pension. Ouais, mais l'affaire, c'est que, en éducation, de un, les conditions de travail des profs, c'est directement proportionnel avec la qualité de l'enseignement qu'ils donnent à vos enfants. Ça, c'est la première affaire que le monde oublie. Puis l'autre affaire, c'est que vous regardez vraiment le point des négociations. souvent, les clauses salariales, c'est même pas là que ça accroche tant que ça. De un, parce que les profs le savent à cette heure qu'il faut. Ouais. Ça leur donne rien d'en demander gros, ils en auront pas. Puis l'autre affaire aussi, c'est que les. C'est que ce qu'ils vont demander, ben, c'est des conditions de travail, dans le sens d'aller chercher des conditions qui leur permettent de réaliser leur emploi d'une manière acceptable et correcte et d'être capable de bien enseigner à vos enfants, Colin, de gang d'un gros. Ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand les profs demandent une réduction de leur charge de travail, c'est pas parce qu'ils sont lâches, c'est parce que demander à un prof, demandez-y combien que tu ramènes de job dehors de tes heures payées pour le fun. Ils font quasiment juste ça de leur vie. Aucun prof qui, une fois que sa journée est finie, à 4h30, ferme les livres, sac son camp chez eux, puis pense à d'autres choses. T'as tout le temps de la job à ramener chez vous. Peu importe que t'enseignes à quel niveau, t'as tout le temps de la job à ramener chez vous. C'est un invariant. T'es quand même bien payé 37h30 par semaine. Mm-hmm. 37h30, je sais plus exactement combien que c'est payé, là, mais tu sais, t'es quand même bien payé 40 heures semaine, mais il n'y a aucun prof qui fait rien 40 heures semaine. Ouais. Ça n'existe pas au Québec présentement. Là. Les profs font rien 40 heures semaine. Donc, c'est Patrick Lagacé, un chroniqueur que j'aimais beaucoup avant, qui maintenant est rendu un peu plus dans le People Interest. Ben oui. Mais qui était... Mettons, Patrick Lagacé 2015 et moins. Là. Mettons, avant qu'il y ait l'affaire là, qui se faisait écouter et qu'il a commencé... T'as vu qu'il a commencé à battriper un peu pour sa vie. Là. Elle faisait une série, puis d'ailleurs, elle continue une fois de temps à autre, des fois, dans la presse, une série de chroniques qui appelait « Si l'école était importante au Québec ouais, ». Je pense qu'il était rendu à 9 là, de ces chroniques-là, là, qui intitulait de même. C'est bon, c'était ça? Juste de montrer... Excellent. Ben, à part en Patrick Lagacé, quand il se met sur un sujet... Ouais, c'est assez... Il écrit très bien, puis il y a des... tu sais, c'est un bon chroniqueur dans le sens qu'il fait du journalisme, mais après, il rajoute son opinion dedans. Mm-hmm. C'est ça, un chroniqueur, là, c'est pas juste cracher des mots sur une page, là, comme... Comme certains font. Mais c'est ça, il fait quand même de l'enquête, puis après ça, il... Mm-hmm. Mais c'est ça. Il montrait en fait les non-sens dont on n'arrête pas de dire à qui veut bien l'entendre que pour nous au Québec, l'éducation c'est important, puis tout. Puis toutes les fois qu'on serait rendu à prouver que pour nous c'est important, ben on fait le contraire. Quand je dis on, je veux dire collectivement. Mm-hmm. Tu sais, je vais revenir, on parlait de Gabriel Nadeau-Dubois en début d'émission, la crise de 2012. L'éducation c'est important, ok, mais pourquoi est-ce qu'après ça vous êtes d'accord qu'on augmente la facture, qu'on augmente l'endettement étudiant pour rajouter zéro de qualité d'enseignement après, parce que c'était ça la hausse de 2012. Quand tu prenais le temps de regarder, la hausse des frais de scolarité, tout ce qu'elle servait à faire, c'était faire que le gouvernement paye un peu moins de sa poche pour l'aide financière qu'il avait à donner à cause qu'il augmentait les frais de scolarité. Ça va me permettre de revenir un peu sur, tu sais, je parlais de la gratuité scolaire tantôt. Primaire, secondaire, c'est supposé d'être gratuit. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Mm-hmm. Tu sais, au Québec, on est dans une société libérale. Puis oui, c'est ça que ça veut dire, libéral. Ça veut dire qu'on a des droits fondamentaux en tant qu'être humain. Un de ces droits-là, c'est d'avoir une éducation de base. Donc, il n'y a aucun homeschooling. Il n'y a pas de parents qui enseignent eux-mêmes. Ah, il y en a du homeschooling. Il y en a. Ce que je veux dire, c'est que... T'es obligé de l'avoir pareil jusqu'à telle heure. On considère que l'éducation, c'est un droit et un devoir, en fait. Mm-hmm. Parce que ça, c'est une chose, puis c'est une affaire, d'ailleurs, qu'on disait en 2012, c'est que plus tu t'éduques, oui, tu contribues à ta possibilité, à ton toi-même, c'est-à-dire que oui, tu peux voir ça comme un luxe ou un bien que tu t'achètes pour améliorer ta vie, parce que oui, bon, étudier plus longtemps, ça fait que t'es moins porté, t'es porté à être plus en santé, à vivre plus longtemps, à avoir un meilleur salaire, ainsi de suite, c'est même pas tout le temps vrai, là, tu sais, ouais, je veux dire, je parlais des graphistes qui font des decks, des gars de shop, ça gagne plus que des graphistes, ben là, oui. Ah ouais. Puis quand je dis gars de shop, pour juste avoir un secondaire 5, là, pour être engagé dans une shop, des fois, là. Mm. À Star, c'est rendu plus touché, là, mais, tu sais, je veux dire... En gros. C'est ça, ça gagne plus cher de l'heure qu'un graphiste en général. De deux. C'est quand tu t'éduques, tu augmentes du même coup les connaissances et les habiletés, dans le fond, de la collectivité aussi. Mm-hmm. Tu fais que ta collectivité, ta communauté, le Québec, est plus éduquée, plus efficace, plus ainsi de suite. T'améliores la collectivité en même temps. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un apprend quelque chose, ben c'est un petit peu plus de connaissances qui existent dans cette collectivité-là. Donc, c'est un bien collectif aussi, l'éducation qui est dans la tête de chacun des individus. C'est pour ça que, de un, on a une école primaire et secondaire obligatoire, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut pour qu'on garde un certain niveau dans notre société. en prenant pour acquis qu'il y en a qui le finiront pas, mais bon, mm-hmm. tu sais, il y a des cas particuliers de tout aussi, puis bon, ainsi de suite. D'ailleurs, un chiffre intéressant que je disais un matin, qui n'a pas rapport, mais qui a rapport en même temps, au Québec, en fait, si on, on entend souvent parler qu'on a beaucoup de on a un gros problème de décrochage au Québec, mais où ce qu'on se repogne, en fait, par rapport aux autres provinces, c'est au raccrochage après quelques années après. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans toutes les provinces, à 20, le décrochage scolaire, quand on voit les chiffres qui font peur, c'est les gens qui finissent leur secondaire, mettons qui arrêtent leur secondaire avant de l'avoir fini. C'est ça qui fait peur. C'est le monde de 18 ans qui n'ont pas un secondaire 5, mettons. Mm-hmm. Qui sont pas en train de le finir, mettons. Mais on est très fort sur le raccrochage, c'est-à-dire les gens qui vont finir leur secondaire aux adultes quelques années après. Donc, pour toutes les provinces au Canada, le Québec, on serait les champions des gens de 25 ans qui ont leur secondaire 5. C'est-à-dire que les gens reviennent à l'école après et le finissent avant d'avoir 25 ans. Mmh. Fait que là-dessus, jusqu'à 25 ans, nous autres, le Québec, on est les champions. Là, je sais pas pourquoi c'est ce chiffre-là en particulier qu'ils ont pris, mais tu sais, moi, je trouve que c'est encourageant. 91, je pense que 91, le chiffre que j'ai vu, % de la population des 25 ans et plus ont leur secondaire 5. Quand même. Fait que c'est bon, là. Ben oui. C'est fun. Vraiment. Oui, c'est ça. Puis je parlais de gratuité scolaire. Ben, tu sais, d'un, c'est ça. Il faut vraiment faire la différence entre le secondaire et les études supérieures, c'est-à-dire cégep université. L'éducation primaire-secondaire, c'est obligatoire. C'est vraiment, comme je dis, c'est ce qu'on considère qu'il faut avoir comme éducation dans notre société. Donc, il faut que ça soit dans la tête des gens pour qu'on garde le même niveau d'éducation global. Oui. Après ça, les études supérieures, le cégep, quand ça a été créé, le choix a été fait que les cours soient gratuits. Pour quelle raison? Parce que le but de ça, c'est de faire... J'ai presque fini de parler. Ah, oh, ça va. Là, est-ce qu'on faisait une face? On faisait pas de face. Non, je me suis retourné pour regarder l'heure. Je pense que... ça m'a un peu... J'ai fait... Oh, je suis désolé. Trop tard, de la façon que je suis placé, je vois pas l'horloge. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais je me dis que ça fait un petit bout. 44-44. Et tabarouette, OK? Hey, c'est plus que mon émission au complet, ça. Puis on est deux, là, à parler. Ouais, c'est ça. Cette éducation-là... bon, pour différentes raisons, le but, c'était de régler les problèmes de décrochage des études supérieures et de baisser drastiquement le coût des études supérieures. Donc, le choix a été fait de rendre ça gratuit pour un paquet de raisons. Ça briserait un peu le but si ça devenait payant. Puis après ça, ben l'université, là encore, ben il y a beaucoup de choses qui s'enseignent là qui sont importantes. Je veux dire, les médecins, l'ainsi de suite. Donc, le principe qu'on a rendu là, c'est que c'est le principe fondamental, puis on va se le dire, il n'est pas nécessairement si respecté que ça présentement. Le principe fondamental, c'est que ce qui décide qui fait des études universitaires, c'est pas les moyens, c'est le talent. Le talent et la volonté. C'est ton talent, tes capacités et ta volonté de faire les études, de faire des études universitaires. Qui te donne le droit de faire des études universitaires? C'est pas ta capacité de payer. Or, présentement, ta capacité de payer a une influence aussi. Pourquoi? Parce que les prêts et bourses, comme je disais, ne suivent pas le coût de la vie. Les frais de scolarité augmentent tout le temps. D'ailleurs, ça, merci au gouvernement Marois qui a été élu sur la base de la fin de 2012 puis qui a fait pire que les libéraux, en fait. Parce que là, à ce temps, les frais de scolarité sont indexés, mais sont plus que le coût de la vie. Ils sont indexés au-dessus du coût de la vie, donc ils augmentent à chaque année, en fait. Ça, je parle à l'université. On a à l'université, là, il n'y a pas d'affaire de gêne. Si tu as acheté un livre, tu l'achètes ou tu te débrouilles pour te le procurer, mais ça te le prend, c'est plusieurs centaines de piastres, ainsi de suite. Et comme je dis, ben moi, dans un monde parfait, comme je dis, ce qu'il faut respecter, ce qui est, là, je vais dire mon point de vue, c'est que c'est ça, c'est le principe fondamental de c'est le talent et la volonté qui devrait dicter. Mm-hmm. Tu devrais avoir les moyens de finir des études avec pas d'endettement ou un endettement extrêmement minime. Puis ce serait ça qui serait vraiment la vraie accessibilité. Donc, c'est l'accessibilité qui est importante. Ouais. Mm-hmm. Regarde, le système qu'on a présentement, il est correct, mais c'est juste qu'il faudrait bonifier certaines affaires, il faudrait revoir des calculs. Je suis d'accord avec ça. Ceux qui disent qu'il faudrait faire la gratuité scolaire, je peux être d'accord avec ça aussi, mais là encore, la gratuité scolaire, souvent, ceux qui sont pour la gratuité scolaire, c'est qu'ils coupent en même temps toute forme d'aide financière. Mm-hmm. Là, le problème avec ça, c'est que si tu coupes l'aide financière, le monde sont obligés de travailler à côté. Ouais. Fait en principe, tu sais, il y a des pays, puis je suis pas en train de dire qu'il faudrait faire pareil, c'est sûr que ça serait le fun, puis c'est peut-être l'idéal, mais je suis pas en train de dire là, ah oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais les pays scandinaves, c'est considéré comme un emploi être étudiant, puis t'es salarié pour aller à l'école. C'est le fun, ça. Mm-hmm. Ouais, tu sais, c'est pas des prêts et bourses, là, que t'as bien des prêts là-dedans, puis faut que tu remettes après tes études. C'est pas rien que des bourses, c'est un salaire à la semaine. Mm. Pour aller à l'école, tu gagnes pas une fortune, mais tu gagnes assez pour vivre, ouais. pour payer tes frais reliés à ça, parce que c'est un peu comme avoir un appartement. Tu sais, quand tu fais ton budget pour te choisir un appartement, tu calcules pas, ah, mes frais de vie, mettons, mm-hmm. c'est rien que c'est le loyer. Ah, je suis capable de payer le loyer, je suis correct. Non, t'as tout le temps des affaires à acheter à côté, t'as tout le temps des frais reliés à ça, même si t'es à loyer, t'as tout le temps de quoi d'autre à payer. C'est un peu la même affaire. Tu vas toujours avoir, même si t'as, tu sais, à chaque fois que le gouvernement essaie de dire, ah, ben là, il y a telle affaire, fait que ça, on va faire une mesure pour ça. Il y a tout le temps une autre affaire qu'on n'a pas calculée, puis qui finit par, ou qui est spécifique à tel programme, puis ainsi de suite. Donc, il faut donner un lousse aux gens. Fait que c'est ça. Moi, si je veux laisser une note de la fin, c'est de 1. Gettons, vérifions notre propre hypocrisie des fois par rapport à l'éducation. Mm-hmm. Si on dit que c'est important, il faut que les bottines suivent les babines. Et de 2, l'important, quand on est dans les études supérieures, fait que tu sais, je reviens avec mon histoire du cégep, là, du cégep de Sherbrooke de tantôt. Ouais. L'important, c'est l'accessibilité. L'important, dans le cas du cégep de Sherbrooke, c'est que les étudiants aient accès à un ordi, qu'ils payent eux-mêmes ou qu'ils fournissent. Là, la différence, ben, s'ils payent eux-mêmes, il faut qu'il y ait quelque chose qui leur permette, faut les aider à l'acheter là, dans ce cas-là. Puis c'est pas rien qu'une affaire d'endette-toi plus. Il faut leur trouver des vraies solutions. Parce que c'est pas nécessairement, c'est, comme je disais, ce cas-là en particulier, mais ça peut être vrai pour n'importe lequel. C'est pas normal que t'ailles à t'endetter pour commencer un programme. Mm. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Ouais, gettons ça. Gettons là. On dirait du funk. Gettons là. Sébastien Viertin, on a eu le temps de voir le soleil se lever depuis le début de ta chronique. M'excuse, celle-là, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ben ouais, que, c'est bien correct. C'est un sujet qui est tellement discutable, en vrai, et vaste aussi. Ouais. Non, c'est juste qu'on établit des records de longueur de chronique cette semaine. Hein? Cette semaine, ouais. Mais merci, Sébastien Viertin. Quand c'est intéressant, c'est ça qui est important. C'est important. C'est comme un cours. T'sais? Ouais. Ouais, non, c'est vrai, on a appris des choses. Mais... donc, on se refait ça la semaine prochaine. C'est les mercredis en début d'émission. Ouais. Sébastien Viertin, on t'écoute aussi à la sortie de ce coin est à votre gauche les jeudis à 18h. Oui, puis on va essayer de commencer à l'heure ce coup-ci. Ouais, ça, c'est la faute des gardiens de sécurité, même pas la vôtre. Ouais, ben, même là. C'était une erreur, en fait. Ouais. Une faute. Une erreur dans un chiffre de carte étudiante. Ouais, c'est ça. De quoi vous parlez cette semaine? Demain. Beaucoup de choses. Mm-hmm. Cool. Donc, c'est jeudi soir à 18h. Hashtag jeudi 18h pour la sortie de ce coup est à votre gauche. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Je cherche. dans les fastes de Hibou Hibou à Assemblage Requis sur C'est fou et fou. Hein? Matt Gagné de Hibou Hibou qui est avec nous en ce moment. Salut, salut. Ça va? Qui est une voix que peut-être vous reconnaissez, ben faut oui. le dire. J'aimerais que tu nous fasses un petit... salut, c'est Marc Gagné de l'émission Dans ta face. Salut, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Fait que là, c'est quoi tu dis dans... Fait que là? Fait que là, attache ta tuque. Où je vous donne de la musique. Ah ouais, c'est ça. Francophone dans l'univers underground. C'est parfait. Ouais, c'est... Mais des fois, j'aimerais changer le slogan pour « C'est dans ta face, là où c'est 100% dans ta face. » Ah, quelle belle idée. Bon, tape c'est ça tout de suite après l'émission. Exactement. Donc, Marc Gagné, animateur de « C'est dans ta face » les mardis après-midi, mais qui est aussi un des membres du band Hibou Hibou. Auteur, compositeur, interprète aussi. Ouais. Est-ce que t'es seul dans ce band-là? J'étais seul. OK. Qui sont les autres membres de ce groupe-là? Son père. Écoute, je vais le dire tout de suite. Hibou Hibou, là, pour moi, c'est drôle à dire, là, mais c'est comme un peu un projet nomade parce que c'est un projet que j'ai composé tout seul quand je vivais en Ontario parce que j'ai vécu en Ontario pendant un an et demi. J'avais rencontré deux gars qui s'appellent Frédéric et Jean-Philippe Levac qui font partie d'un groupe qui s'appelle Panda Léon. J'avais fait une entrevue avec pour ma radio qui était en Ontario puis je les ai rencontrés puis tu sais je leur disais ah ouais vous avez un studio chez vous c'est cool ça ben moi je compose des tunes là puis Je suis pas sûr, tu sais, si c'est vraiment bon, mais j'aimerais bien ça savoir comment ça sonne. Puis là, ils ont fait « Ah ouais, ouais, tu composes de la musique, quel genre, puis tout ça. » Puis ils ont été intéressés. Des gars que tout de suite, ils m'ont rentré chez eux, puis là, je pouvais prendre la batterie, j'apportais ma guitare puis ma bass. Ah oh, ouais, c'est moi qui ai fait la voix, la guitare, la basse, le drum. Wow! Puis, en sortant le premier EP, je me suis juste dit une affaire, c'était de trouver les gars qui allaient m'accompagner dans le projet. Puis c'est ça, j'ai reparlé à un de mes vieux chums, Pierre-Olivier Dupont, qui joue de la batterie, un super de bon batteur. Puis tout de suite, il a écouté ça, puis il voulait tout de suite embarquer. Puis c'est lui qui a trouvé notre autre chumé, David Perrault, pour nous accompagner. Puis à trois, on a fait un deuxième EP qui a été Couleur néfaste, nous trois. Fait que ça fait du bien, puis là, on commence à faire des spectacles, puis on a des bons commentaires, ça va bien. Vous avez fait votre lancement récemment pour C'est où ça, là? On l'a fait dans notre local à Drummondville, plus précisément à Saint-Zéphore. Saint-Zéphore? Je sais pas que c'est une femme, Zéphore, quand même. Ça a l'air de nom de gars. Ouais, ben tu sais, c'est pas... On pense que c'est proche de Drummondville, mais non, c'est très loin de Drummondville. Ah, okay. C'est Zéphore. Ouais, Zéphore. Ouais, puis on l'a fait live Facebook, les gens peuvent le voir sur notre page Hibou Hibou. Tu sais, ces temps-ci, des fois, on est un peu dernière minute, fait que quand c'est un band, c'est de l'improvisation, on est des artistes, hein, comme on appelle ça. Ouais, c'est ça. Mais là, Hibou Hibou, tantôt, t'as parlé qu'il y avait Panda Léon, et il fallait absolument qu'il y ait un animal. Ça, c'est un gag. Et deux ça. Fois, en plus. Ouais, deux fois. Ben, quand je suis arrivé en studio avec les gars à la piole, je savais pas comment j'allais appeler le projet. J'avais plein d'idées en tête, tu sais, mais c'est là, il est en train de se faire cuire un Kraft Dinner. Là, il a dit « Ah, Hibou, Hibou! » Non, mais il y avait un gag qui rodait pas mal parce que dans les premières tunes que j'ai composées, il y avait tout le temps des « Ouh, ouh! » Tu sais, dans nos chansons. Puis je disais tout le temps aux boys « Ok, les boys, sur cette track-là, on va mettre des cris de Hibou. » Puis là, après ça, on finissait la track. Là, je leur disais, sur la prochaine track, vous allez mettre des cris de hibou. Puis là, on va doubler les tracks par des cris de hibou. Puis là, ça a été le gag du studio. Puis là, évidemment, Fred, il m'a regardé, il m'a dit, man, il faut trop que t'appelles ça hibou. Mais là, à cause que le hibou, une fois, a été pris, ben, j'ai appelé ça hibou, hibou, deux la fois. La technique Peter, mother. C'est ça, exactement. Mais c'est fun parce que c'est comme un spectacle. Mettons, quand on va voir en spectacle, ça fait tourner des têtes sur elle-même comme un hibou. Comme un hibou, pareil. Aux gens de s'asseoir de dos. Puis là, tu tournes tout le long. Pour regarder le show. Ouais, c'est de l'expérimental. À vous. C'est une technique. Les gens paieraient pour ça. Exactement. Ouais. Fait que, ouais, c'est comme ça que le nom est venu. Puis c'est encore un nom que je veux garder. Là, j'ai pas encore l'intention. C'est un beau nom. Ça fonctionne bien. Tu sais, sur le marché international, hibou, hibou. Hibou, hibou. Ouais, c'est ça. Puis là, ils vont se demander, c'est quoi ça, un hibou? Parce que, tu sais, ils parlent pas tout en français. C'est ça. Mais ils parlent en français là pour dire cette phrase-là. Ah ouais, c'est quoi ça déjà, un hibou? Ouais. Marc, est-ce que tu fais jouer du hibou hibou dans ton show? Oui, une fois de temps en temps, je me le permets. Tout comme je fais passer de la musique underground, puis que je cherche à faire passer le plus de musique qu'on ne fait pas assez entendre. ben je me permets de mettre mon ben, tu sais, ça ressemble un peu à un genre de conflit d'intérêt. C'est de l'autopromo. Est-ce que tu dis genre avec Marc Gagné, l'excellent et très beau auteur-compositeur? Non, c'est ça, mais je trouve ça très drôle de dire on vient juste d'entendre Hibou Hibou. Puis là, dans ma tête, ça dit hey, c'est mon ben. C'est malade. Au moins, t'as pas appelé ton émission le Mathieu Plante, je crois que Mathieu Plante comme moi. Ouais, ça c'est. Centré sur lui-même. Exactement. Donc, c'est égocentrique. Hey, vous autres, vous êtes hibou-centrique. Ah! Oui, c'est bon. Oh. Donc, on dit qu'il y a deux EP jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on travaille sur un album complet? Qu'est-ce qui s'en vient pour le band? Eh boy, là, en ce moment, parce que le mieux que je fais, moi, c'est toujours essayer de sortir le plus de nouvelles chansons le plus possible. Puis là, pas nécessairement sur CD. Est-ce que t'en sors sur Internet aussi? Non, c'est vraiment juste... Ben, là, les deux EP sont sur Internet. Mm-hmm. Mais le couleur néfaste, j'essaie de le garder un petit peu plus rare, là. Fait que celui-là, je le mets pas au complet sur Internet parce que j'aimerais ça que les gens l'achètent. Très popé. Puis qu'ils se disent « Yes, j'ai la copie, puis elle est à moi. » On l'achète où? On l'achète en venant à nos spectacles. Ça aussi, c'est un avantage. C'est donc, chercher le local de pratique. À Saint-Nizéphore. Nizéphore! C'est ça. Okay. Mais j'invite tous les gens à venir faire un tour. On a des spectacles qui s'en viennent dans pas trop long. Toujours pas à Trois-Rivières, là, mais on va souhaiter que ça s'en vienne dans pas trop long. Mais pas trop loin de Trois-Rivières? Là, pour l'instant, en mars, c'est à Québec. Okay. Puis en avril, c'est à Thetford Mine. Oh, on fait quand même beaucoup de premières parties. Mm-hmm. Partie de quelle band? On fait la tournée Lévis-Ville du Rock. Fait qu'on joue à Lévis. C'est pas Québec, finalement, c'est Lévis. Okay. C'est Lévis, c'est pas si loin. Ouais, puis on va faire la première partie de Horloge Simard à Thetford Mine le 7 avril. Cool. On est vraiment content d'être là, sérieusement, parce que Horloge Simard, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Puis ça va être un show dans une belle place à Thetford Mine au Sgt. Pepper. Mm-hmm. En tout cas, justement, organisé par Thumbs Up Production, qui est une excellente organisation pour faire des spectacles. Mm-hmm. Est-ce que t'as d'autres bands comme ça avec lesquels vous êtes proches? Et avec lesquels vous voulez peut-être jouer en spectacle? On a fait un spectacle une fois avec un band qui était super intéressant. C'était un band anglophone, ça s'appelait Omnidroids. Ok, connais pas. Puis ça a coté. Le gros son élevé, mettons qu'il était plus élevé que le nôtre, là. Mais ça c'est un band que je garde en tête en me disant un jour, là, il faudrait bien faire un show avec eux autres. C'est un excellent band, Omnidroids. Vous pouvez aller écouter ça. Oui, c'est ça. Puis. S'il y en a d'autres, évidemment, j'encourage toutes les bands de la scène locale de venir me faire écouter leur musique, ça vaut toujours la peine. J'ai entendu parler de Mimi Van Der Glo. Ah, son fort! Ben oui. Ouais, le gars de la région, ça rock. C'est incroyable. C'est ça, en ce moment, j'ai pas d'autres bands. Est-ce qu'il y a encore du Pandaléon dans votre tête, des fois? Est-ce qu'il y a Pandaléon toujours? Moi, je garde toujours contact avec eux autres, parce que je les aime bien, là. Mais là, en ce moment, Pandaléon, ils font d'autres projets chacun de leur bord, là. Mm-hmm. Le Ben vit encore, là, mais là, on dirait que ça ressemble un petit peu à un petit break là, de ce qu'ils font. Mais je suis toujours proche d'eux autres, puis encore, j'écoute leur musique bien souvent. Là. J'aime bien leur album à tonne, justement à cause du fait qu'ils ont enregistré ça dans une vieille école à Saint-Bernardin. Saint-Bernardin. Bon, c'est ça, Saint-Bernardin. Tout le temps. C'est pas une sorte de peau, ça aussi. C'est tout le temps d'un petit village que t'as les sons les plus élevés. Hein, c'est pas le choix. Il faut bien se divertir d'une façon. Exactement. Est-ce que t'as envie qu'on aille entendre une pièce, puis après ça, on reviendra parler encore un petit peu. Ouais. Je prendrais, moi, une pièce de chacun des deux EP. Donc, commençons par... c'est votre premier EP. Oui, le premier. Mm-hmm. Quelle pièce, tu dirais, représente le plus le band? Oh boy! Ça? Mille à pied, sans hésitation, parce que vraiment, cette chanson-là, j'ai travaillé fort dessus. C'est la dernière chanson que j'avais enregistrée en studio à La Piaule. Puis, La Piaule, est-ce que c'est le nom d'une place? C'est vraiment juste comme ça que t'appelles ton local? C'est leur studio d'enregistrement s'appelle La Piaule. Mais essayez pas de trouver ça sur Internet. Ça se trouve pas. C'est comme le deuxième EP. On veut garder ça rare. Ouais, c'est ça, exact. Puis, c'est ça, Mille à pied, c'est une chanson que j'ai travaillé fort dessus. Puis, je suis vraiment fier du résultat. On a une vidéo justement sur cette chanson-là. D'accord, on écoute ça, puis on revient avec Marc Gagné de Hibou Hibou à Assemblage Rookie. Yeah. tapis de Hibou Hibou. À l'assemblage requis, c'est bon, c'est un peu? C'est excellent. C'est excellent, et c'est Marc Gagné qui chante là-dessus puis qui fait plein d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Hein? Je fais tous les instruments. Puis Tout en même temps, d'ailleurs, je pense. Tout en même temps, c'est ça. Comme un magicien avec des pantalons à snap. Ouais, ouais, c'est ça. Ça comme... c'est comme un Steve Hill du Underground. C'est un Steve Hill du Underground, c'est beau. As-tu vu de la poésie? Ouais, très bien dit. Wow, c'est vrai. Ça parle bien quand même. Donc, Marc Gagné, qui est du groupe Hibou Hibou, on l'a dit aussi, animateur de C'est dans ta face. Avant de plugger ton émission, là, on parle de Hibou Hibou. Une ouais, fois, c'est là, ça. Je suis genre à partir dans plein de sens. On voulait parler du look de ces maxi, de ces deux EP. Mm-hmm. Le premier étant le dessin d'un joli hibou sur sa branche. Ouais, c'est ça. En train de crier très, très fort. Hibou, hibou. Ouais, c'est ça. Le premier EP a été créé par une de mes amies assez proches, Catherine Thibault, qu'elle s'appelle. Mm-hmm. Elle a d'ailleurs... ce qui est super le fun, c'est que je l'ai comme choisi. Tu sais, je savais qu'elle savait très bien dessiner. Mm-hmm. Mais elle le savait pas. Ouais, c'est ça. Tu voulais tellement la voir avec toi que tu lui as dit, dorénavant, tu t'appelleras Catherine Thibault. Ouais. Oh! Oh! OK. Hey, là, les jokes de hibou, là! Ça arrête plus. Les jokes de hibou! Ouais, mais c'est ça, je l'ai choisi pour faire la première couverture de mon premier EP parce que j'aimais beaucoup son style. Très, très, très. Puis justement, moi, je suis quelqu'un qui est parfois difficile à travailler avec, puis je te dirais qu'elle m'a bien enduré. Parce comment que, ça? T'es ben, strict, t'es demandant? Non, mais c'est parce que j'ai tout le temps un visuel. Ouais, tu sais ce que tu veux dans ta tête. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, le visuel, je veux, tu sais, le mettre sur la table, ben, je veux qu'il soit là. Puis elle avait déjà fait une bonne partie. Mais là, moi, j'y avais juste dit, tu sais, les lettres de Hibou, là, mais éparpille-les autour de l'album. Je m'en fous que ça ait l'air tout croche, là, éparpille-les autour. Puis elle a fait, OK, c'est bon, c'est correct, là, parce qu'elle était vraiment, tu sais, très structurée, cette femme-là. Puis c'est vraiment très beau, quand elle me l'a fait de même, j'ai fait, parfait! Laisse ça de même! Touche-y plus! Puis c'est ça, puis je suis vraiment content du résultat. Encore une fois, un excellent album. Content de... Je la salue d'ailleurs, ben Catherine oui, Thibault. Merci pour son beau travail. Et pour vrai, tu regardes ce hibou-là, il y a des yeux qui parlent. Oui, oui, clairement, clairement. Et le deuxième, Maxi, le plus récent, celui dont on a entendu une pièce au tout début de ce du bloc au complet, c'était Couleur néfaste, qui lui est plus sombre, je dirais, sur sa couverture, noir, soit on dirait des plumes ou une grotte de glace. Ou des quenouilles, je dirais, environ. C'est, ouais, c'est des plumes, c'est exactement ça, avec le fameux nouveau logo Hibou Hibou, que je suis vraiment content. La pochette au complet est super belle. Oui. Encore une fois, c'était un visuel que j'avais demandé. D'ailleurs, c'est une pochette qui a été créée par Geneviève Condigny, qui a déjà fait son bac en art visuel ici à l'UQTR, représente l'UQTR. Exactement. Ben oui. Puis justement, elle aussi, elle a fait du super de beau travail. Là. Elle a vraiment fait ça à sa façon. Puis moi, j'y ai mis un petit grain de sel à travers ça. C'est quoi ton grain de sel? J'ai juste dit, ben tu sais, ça s'appelle couleur néfaste. Ouais, tu voulais un petit peu de couleur. Je voulais justement que la couleur soit hachurée. Ouais, c'est comme un genre de highlighter derrière le titre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je voulais que ça soit une couleur, que ça paraisse comme une couleur néfaste. Mm-hmm. Fait que justement, la couleur est comme toute hachurée. Et le lien entre le noir et le rose, ça me rappelle un petit peu Ariel. Et je trouve quand même que ce que tu fais comme musique rappelle un peu Ariel aussi. Ouais, on a toutes des tas d'influences. C'est ça, évidemment. Mais justement, c'est quoi tes influences, mettons, à part Ariel? J'écoute pas tant Ariel. Non? Là, malheureusement. Bon. C'est plate, mais oui, j'ai déjà entendu quelques-unes de ces tunes, puis j'étais là, ouais, ça rock, là. Ouais. Mais il y en a beaucoup, honnêtement, moi, je suis d'un type très mélomane, là, tu sais, évidemment, on m'entend à la radio, on entend beaucoup de rock, mais j'aime beaucoup les vieux bands des années 70, punk, les Stooges, Dead Kennedys, The Velvet Underground, tous ces vieux bands-là sont venus me chercher énormément pour m'influencer dans la création que je faisais, puis... Également, il y a eu la vague des Breastfeeders qui est arrivée, Gros Money, Le Nombre, Galaxy, toutes ces bands-là qui sont arrivées en même temps, pas mal dans les années 2000, ouais. Que vraiment, tu sais, ça a été une bonne vague pour moi, surtout Malajub. Puis, tu sais, je réécoutais ça aujourd'hui, puis je me disais, hey, je m'ennuie de cette passe-là. C'est incroyable comment je m'ennuie. Belle période. Ouais, c'est ça. Puis Gros Money, justement, il avait comme ressorti un album peut-être en 2013, 2012, 2014, je m'en souviens plus. Mais c'est un album qui a tellement été écouté. J'ai tellement d'amis qui jouent, tu sais, pas mal le même rock que moi, puis qui écoutent beaucoup cet album-là. Fait que c'est quand même, tu sais, oui, c'est un band qui m'a influencé, mais tu sais, toujours, j'essaye d'accoter mes vieux bands préférés des années 70, genre les Ramones, puis tous ceux que je viens de dire. Là. Tout ça que tu peux pas faire jouer à ton émission parce que c'est une émission de musique underground. C'est ça. Hein? Va falloir que tu prennes une autre émission. Ben, du punk, c'est quand même assez underground. Ouais, ouais, ouais, quand même, on doit le dire. Mais juste pour clarifier. Dans ma description, il y a tout le temps quelque chose que je dis qui est, Ben Trio Rock'n'Roll Garage, ouais, avec une attitude punk. Puis ce qui est très drôle, c'est que les gens écoutent ma musique, puis après ça, ils lisent la description, puis ils disent tout de suite, « Hey, à cette heure, je comprends mieux c'est quoi ta musique. » Genre, puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, j'écrivais ça pour rire, tu sais, rock'n'roll avec une attitude punk. Puis conclusion, les gens me disaient, ouais, ben j'ai lu ta description, puis ouais, ça fit pas mal à ce que tu viens de dire. T'es en train de dire que les bands écrivent des résumés sans vraiment avoir rapport, juste pour voir qui va lire et est-ce c'est que tu vas que pouvoir oui les mettre au défi de lire ça en nom. C'est comme radio les remerciements dans les albums. Ouais. Hey, faites un tour, allez lire ça. C'est ça, Louis-José Hull pour te les lire en c'est étant ça, drôle. C'est ça, exactement. Ah oh, ouais, c'est ça. J'ai envie qu'on écoute une autre pièce du deuxième, du plus récent, ouais, le plus récent. Couleur néfaste, et puis après ça, on va continuer à parler encore parce qu'on t'aime bien. Okay. Qu'est-ce qu'on écouterait qui te représente et qui représente l'album et qui n'est pas la chanson titre parce qu'on l'a entendu tantôt? Ouais, on l'a entendu tantôt. On va y aller avec Fais à ta tête. Fais à ta tête. Ouais, la 4, je pense. Yeah. Fais à ta tête, tout de suite, à Assemblage requis, c'est Hibou. Hibou. Fait à ta tête sur leur plus récent maxi couleur néfaste, leur, je dirais aussi son, parce que c'est Marc Gagné qui est avec nous de Hibou Hibou, lui qui est la partie majoritaire du groupe, je pense qu'en bourse là, tout ça, t'as la part, t'as 51% des parts du groupe, quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est ça, eux autres ils rajoutent leur grain de sel à eux autres, puis c'est des super de bons musiciens, sérieux, je suis content de collaborer avec eux autres parce que des super de bons gars. Mais d'ailleurs, mon bassiste David, il est en Australie. Ok. Oh. Mais c'est Julien Théroux qui prend sa place. Ok, il joue pas par Skype là. C'est ça. Chaud. Des fois, il y a des décalages. C'est ça. Ça rajoute de la vie. Un kangourou qui passe en arrière. Salut. Il fait saler avec ses pattes en arrière. C'est quand même. Ça. Bref, Hibou Hibou, on aime bien gros son et très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. Maintenant qu'on a parlé du band et de votre musique, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'il y avait à dire. Ouais. Ton émission, elle, c'est Dans ta face les mardis et à partir de 15h. Ouais. C'est quoi ça, donc? Ça, c'est une musique qui te fait passer de la musique rock francophone underground. C'est une musique, dans le fond, qui te fait passer de la musique, c'est ça? Ben, c'est une émission qui te fait passer de la musique, ouais. Puis c'est une musique qui fait passer des émissions, c'est un peu bizarre. Ah, mais ça dépend. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est quand même assez éclaté comme émission. Tu sais, je fais ça à ma façon. Puis tu sais, j'ai une capsule des chiffres dans mon émission où je fais juste déblatérer sur des chiffres. C'est genre, c'est des chiffres et des lettres. Là, tu fais genre consonne. Ben, c'est de quoi comme 100 000 habitants à Trois-Rivières. Hier, on a su qu'il y avait 100 millions d'abonnés sur Instagram. Puis je sais pas, des affaires de même. Des chiffres. Ben, c'est ça. T'es un gars de maths, dans le fond, non? Ah ouais, vraiment pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part de ça? Ben, c'est le plus possible. J'essaie d'avoir des pièces rares que je puisse me sentir unique dans mon émission parce que je fais passer d'autres. Hipster, maudit hipster. Ouais, c'est ça. Hein? Ça devrait s'appeler le hipster show. Si tu connais ça, je veux pas de toi. Mais c'est ça, le plus possible, je fais passer du Rock EV, Data World Shock, Galaxy. J'ai tout le temps des favoris. Es-tu content du retour de Galaxy? On a entendu une pièce tantôt. Oh, ouais. Ça ressemble à du Galaxy. Ah ouais, mais ce que j'aime d'Olivier Langevin, c'est que, tu sais, il a passé d'un gros Rock EV à quelque chose d'électro, mais tu sais, il arrête pas d'essayer d'innover. Tu sais, il arrête pas d'essayer de trouver quelque chose de nouveau à faire. Puis j'apprécie ça, tu sais. Venant d'un artiste, c'est toujours cool d'essayer d'expérimenter des trucs. Puis c'est ça que j'aime bien de Galaxy. Ouais. Ouais. Fait que, mais j'ai hâte d'écouter le nouvel album, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller. Là. Ah, il y a du scratch vinyle là-dedans. Scratch vinyle. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais en tout cas, il y a ça là, dans la tune phénoménale. Wow. Fait que j'ai bien aimé ça. Il me semble que ce que j'avais vu tantôt, il y avait pas un animal comme sur le fond de la pochette. Un peu, je vais c'est un lynx. C'est un lynx. Hey, ça, t'aurais 30 sur 30 sur le test d'intelligence. C'est un lynx. T'es fort. Moi, j'avais pas réussi à dire. Tu sais, il y avait tigre ou lion sur le test. Là. Ouais. Je pense que j'avais dit tigre, puis c'est un lion ou le contraire. Oh non. Fait, j'aurais peut-être manqué un point. Lion et diesel. Lion et diesel, le CD de Galaxy. CD, ouais. Bref, hey, on écoute ça. C'est dans ta face. C'est tous les mardis à partir de 15h en direct. C'est en reprise le samedi. Dépend de la semaine, dépendant de l'heure. C'est samedi. Je pense que c'est samedi à 14h, puis c'est le lundi à midi. C'est possible. Merci beaucoup, Marc Gagnon. On t'écoute. C'est dans merci ta face. Et on écoute le band Ibou Ibou sur Bandcamp. Est-ce que vous êtes ailleurs que ça? Ouais, non, c'est ibouibouband.bandcamp.com. Vous allez voir, les deux EP sont là. Pour l'instant, il y a juste deux tunes accessibles sur Couleur Néfaste parce qu'on essaie de le garder le plus rare possible. Fait que, pis si possible, si les gens veulent l'acheter, ben tant mieux, moi je vais être content parce que c'est quand même un EP qu'on a travaillé extrêmement fort, nous trois. Puis évidemment, vu que le premier a été comme laissé sur internet comme ça, ben celui-là, c'est comme celui-là que je. Je sais pas, tu sais, il y a eu beaucoup de travail qu'on a fait. Ben, beaucoup de journées de congé et beaucoup de troubles mentaux. Fait que il vaut la peine. Vous avez pas vu votre famille ou vos amis du tout de la vie. C'est loin. Ça, ils ont été isolés. C'est ça, exact. Merci encore, Marc Gagnier. Merci à toi, merci à vous. Bientôt. On accueille à chaud ou à froid? Comment est-ce qu'on dit ça? À froid. À froid, étant donné la température. Oui, c'est ça, exactement. C'est moins 15 à l'extérieur, on va dire à froid. Ça va faire. C'est Jimmy Thibodeau qui est avec nous pour sa chronique gauchère Bévue. Bonjour, Jimmy. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va plutôt bien, oui. Du tout. Bien. C'est correct. Ah, mais tu sais, hein, on est tous dans le même bateau. Hein? Ben, oui. Je te vois arriver avec ton petit calepin de notes. D'après moi, ça veut dire que tu as un plan de match pour aujourd'hui. Ah, il est vierge. Ah, vierge. Ouais, on est au retour du cahier de notes. La semaine dernière, on avait ordinateur. Ouais. Ah, je me suis juste le sorti, mais dans le fond, mon. C'est pas un gars de routine, c'est Non, c'est ça, c'est j'aime bien la variété. Ouais, c'est moi ça. Aussi. Puis là, on est sur cellulaire aussi en même temps. En même temps, exactement. Fait que c'est une petite combinaison. Multifonctionnelle. Exactement. Une petite combinaison comme dans tes culottes. Oh boy. Oh. On veut pas savoir ça, Mathieu. On veut pas savoir ça. Rien là. Ben là, franchement. Hey, c'est donc bien tabou, ça. Pas là de parler de tes combinaisons. Il est 9h le matin, OK? T'as bien raison. Hey, ça passe vite, cette émission-là. Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Jimmy Thibodeau? Bon, ben non, moi, j'aimerais défendre... Je t'aurais peut-être me rapprocher du micro en parlant, c'est ça. C'est de la radio, c'est pas... Ouais, c'est difficile à entendre. Bon. C'est là, je t'ai monté quand c'était tassé, puis quand t'es revenu, c'était beaucoup trop fort. En fait, c'est extraordinaire. Bon, ben moi, j'aimerais peut-être parler des « ismes », entre guillemets, si on veut. Okay. « Ismes ». Racisme et « sexisme » et... Ah, non, mais ça? Quand tu fais le temps où je vais m'en venir, c'est bien. C'est vraiment bien. OK, on est dedans. Oui, tout à fait. Mais aussi, c'est tremblement de terre aussi. Séisme. La station de radio montréalaise, CISM aussi. C'est ça, ouais. Non, peut-être pas. Mais aussi, effectivement, les labels, les étiquettes négatives comme racisme, racisme, sexisme, ça en fait partie de ce que je veux parler. Mais aussi d'autres trucs plus positifs comme féminisme aussi, par exemple, que je pourrais. Donc, qui rentrerait dans mon sujet. L'idée, dans le fond, c'est vraiment de dire est-ce qu'on utilise ça pas. Est-ce qu'on utilise ça un petit peu trop dans la gauche? Ah non, j'avoue, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est très facile de tout de suite accuser quelqu'un de quelque chose, même s'il n'y avait pas de. Comment dire, de contexte de, ou... De contexte, ouais, c'est ça. Exactement. C'était pas mesquin ou c'était pas malin derrière. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées derrière ça. Est-ce que la gauche a l'isme trop facile, oh. C'est exactement. Ça? Exactement. Oh. Autant pour les étiquettes négatives que les étiquettes positives. Puis il y a différentes raisons pour l'un ou l'autre. Ça marche des deux bords, là. Je veux dire, les gens de la gauche se font traiter de gauche tout le temps. Là. Ça, c'est rapide, ça gâchette sur traiter les gens de choses. Ah, ça c'est très, très certain. Mais surtout, puis... Pour la droite, c'est certaines raisons, puis pour la gauche, c'est d'autres raisons qui amènent les gens à donner des étiquettes, à poser des étiquettes sur les gens. Puis je me concentrerai peut-être plus sur la gauche. Là. Bon, c'est sûr qu'ailleurs que dans la gauche, il y a la moquerie en général, il y a le mépris aussi en général. Mm-hmm. Mais bon, chez la gauche en particulier, des fois, il y a certaines autres tendances. Par contre, par exemple, chez les quand on donne des étiquettes négatives à certaines personnes, il y a une certaine forme de diabolisation. Des fois, j'ai l'impression de certaines personnes. Au niveau de la gauche. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu négatif. C'est un de mes points principaux. Mais en général, là, si on regarde les étiquettes féminisme, racisme, sexisme, etc., c'est des trucs qu'on devrait utiliser, je pense, là, plutôt pour la société en général, les mouvements, les groupes. Peut-être pas pour les individus. Puis c'est ça la tendance que je dénonce. Là. On a vraiment comme tendance à poser cette étiquette-là sur les gens en particulier. Ouais. Ah, moi, je suis féministe. Tu sais, je suis correct, je suis féministe, je suis un bon gars ou je suis une bonne personne. Ben oui, c'est ça. Ou encore, toi, tu peux pas être dans le débat, t'es juste un raciste. T'sais, on veut pas de racisme, nous autres, ici, dans le débat, ça. Non, on veut pas ça. Par exemple, ou xénophobie. La phobie aussi, c'est quelque chose qui pourrait rentrer là-dedans. Xénophobie. Un petit peu aussi, islamophobie des fois. Ouais, des fois, c'est utilisé un petit peu de manière exagérée. Souvent, c'est exact, mais... C'est ça. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec ça. Même chose pour homophobie. Je trouve qu'on donne l'étiquette homophobie à juste très, très souvent, mais quand même, ça fait partie un petit peu de la tendance. Si je peux expliquer mes propos, que je disais que c'était clairement les gens étaient islamophobes. Je voulais pas dire que ce qu'on disait contre l'islam était... C'est ça, exact. Des fois, mes propos étaient peut-être mal interprétés. Ce que j'ai trouvé drôle cette semaine, c'était notre ami, on en parle tout le temps, Donald Trump, qui s'est fait demander par un journaliste « Est-ce que vous êtes féministe? » Puis il a dit « Ah ben là, je dirais pas, c'est un peu extrême, là. Tu vas loin un peu. Je me considère pas féministe. J'aime les femmes. » Mais là, je suis pas féministe quand même. Comme si c'était insultant de te faire traiter de féministe. C'est ça. Mais je trouve que c'est ça fait partie un petit peu de mon point dans le sens où je trouve que c'est tellement à côté des enjeux principaux. Ouais, ouais. Les labels, à un moment donné, c'est aussi important que ça. Puis ça revient un petit peu à mon idée que je voulais expliquer. C'est vraiment des trucs de groupe. Quand on veut parler du racisme, c'est quelque chose qu'on veut dénoncer dans la société en général. C'est quelque chose qui se produit dans la vie de tous les jours. Il y a personne qui se déclare raciste ou qui se déclare moi, je suis homophobe, tiens. Ouais. Je suis anti-féministe. Mais il y a personne dire je suis white nationalist. Et je suis... c'est quoi? Les autres termes qu'on utilise sont comme des synonymes, des euphémismes. Ouais, ouais. Pour dire le contraire, ouais. Je suis pas raciste, je suis nationaliste blanc, mettons, aux États-Unis. Mais effectivement, même chez les nationalistes blancs, ils ont de la misère à accepter l'étiquette raciste. C'est vrai partout en général. Il n'y a personne qui veut ces étiquettes-là. Non. Puis je trouve que les accuser de ça, c'est improductif. Ce qu'on accuse, c'est les actions en général de certaines personnes. Il y a même des... Tu sais, on dit des fois de certains hommes qui sont sexistes parce qu'il y a certains comportements qu'ils ont appris qui sont sexistes, qui reproduisent des comportements. Par exemple, le manspreading, c'est quoi? C'est quartier jambes dans un endroit public. Là, ça, c'est de l'agression, là. Ouais, mais des fois, c'est quand même intéressant dans le sens où, effectivement, les hommes ont des fois tendance à prendre plus de place qu'ils devraient. Non, mais on veut pas se squeezer, Zwiz. Ben, mais tu sais, Mais ce phénomène-là... Je m'inclus pas là-dedans, pense. Ouais. Mais c'est pas comme... C'est pas la faute d'un gars en particulier. C'est pas un sexiste, puis c'est pas comme s'il était evil, puis il était conscient de cette affaire-là. Tu sais, des affaires, des comportements sexistes comme ça. Dans le fond, t'es en train de dire que c'est une question de société. La société a mené à ça, donc c'est pas spécifiquement ce gars-là. On devrait éduquer tout le monde. Exactement. Ouais, exactement. C'est pas l'individu qui est sexiste en tant que tel. Dans plusieurs cas, c'est la société en général. C'est des phénomènes qui sont sexistes, pas l'individu en tant que tel. Non, mais tu sais, en même temps, au lieu de dire aux gars, quand ils sont jeunes, là, écartez-toi pas les jambes, puis tu dis aux filles, ben prends ta place, tu sais. Aussi, ça marche des deux bords, c'est sûr. Bon. Parce que les filles ont peut-être été éduquées avec le temps de prendre leur trou. Exactement. C'est ça. Puis bon, c'est sûr aussi. Les gars de prendre son. Puis les trucs de racisme puis de sexisme en général, ça a servi à quoi dans l'histoire? Ça a servi à prendre conscience socialement d'un phénomène puis à le régler ensemble. Dire de quelqu'un qui est un raciste ou un sexiste, ça s'amène à quoi dans l'histoire? Ouais, ça règle pas le problème. Ça amène à absolument rien. C'est beaucoup plus facile pour pointer du doigt. Puis en fait, c'est mauvais de tout bord, tout côté. Si tu t'auto-glorifies en étant féministe ou si tu traites quelqu'un de raciste, ça empêche complètement de vraiment aller à la racine du problème ou vraiment comme régler les vraies affaires. Si tu te dis féministe, mais que tu es quelqu'un quand même un trou de cul macho qui se permet de, je sais pas moi, cruiser à outrance des femmes juste parce que tu te dis féministe. Oui. Ou, tu sais, il y a souvent ces genres d'hommes-là qui vont comme se dire progressistes puis qui vont en profiter juste pour cruiser des femmes. Mais je pense que l'étiquette aussi est large, là. Tu sais, quand on dit féministe, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le féminisme. Aussi, ça c'est clair. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus improductif que les termes des fois sont vagues, ça c'est tout à fait vrai. Mais c'est difficile même pour une fille de s'auto-déclarer féministe à un certain moment. Parce que tu veux pas avoir l'air d'une féministe enragée comme on voit des fois. Et pour beaucoup d'autres raisons. Puis bon, je pense que l'important là, dans tout ça, en fait, là, c'est quoi la morale de tout ça? C'est vraiment, il faut s'intéresser aux actions que les gens font. Si tu dis que quelqu'un est raciste, pourquoi tu dis qu'il est raciste? Parce qu'il fait tel comportement. Au lieu de vraiment le traiter de raciste puis le mettre sur la défensive, ou de le traiter de sexiste ou peu importe, tu lui dis le comportement qu'il a reproduit, tu lui dis pourquoi t'aimes pas ça puis qu'est-ce qui est de mauvais là-dedans. Là, tu peux avoir un dialogue vraiment concret sur des actions. Constructif, oui. Puis quand tu dis féministe, là, arrête de dire féministe. Parle d'actions concrètes que tu veux faire, fais des actions concrètes. Soyons vraiment dans le concret plutôt que de vraiment s'intéresser aux étiquettes. Je pense qu'aujourd'hui, on est comme dans une société où on est tout le temps dans une sorte de bataille d'étiquettes perpétuelle. Mais c'est parce que ça, faire des actions, ça fait pas des hashtags. Hein? Ben, non, c'est ça, pas des hashtags. Ça te rend pas super populaire de juste faire des actions. C'est pas trending. Puis ça empêche de faire des choses concrètes. Imagine, ben, puis ça nous permet une sorte de shaming des fois, puis ça nous pousse à nous auto-censurer des fois pour absolument rien. Imaginez par exemple le cas des accommodements raisonnables, le fait qu'il y a certaines pratiques africaines qui disent, ben, où il faut des fois comme déterrer les morts pour fêter avec eux puis les renterrer. Ouais. Ça avait passé aux nouvelles d'ailleurs au Québec il y a quelques années. C'est juste différent. C'est pas... Puis en fait, ça t'affecte pas pantoute. Fait que, pourquoi est-ce que... mais je veux dire, mais c'est pas salubre en fait de faire ça. Oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que le gouvernement l'interdit encore. Ah ouais, je comprends. Mais en tout cas, tu sais, on a le droit d'être pour quand même. Mais je veux dire, si on dit mais t'es contre ça, mais t'es raciste, je veux dire, où est le débat à un moment donné? C'est comme tout non, c'est ça. C'est pas du racisme de soulever un point ou d'exposer un fait. C'est ça. C'est ce que j'essaie de défendre souvent quand je fais des références des fois. Mettons, tu reproches quelque chose, mais qui vise une minorité spécifique. Par exemple, dans le cas des cimetières, la pratique de déterrer les morts dans les cimetières, c'est sûr que ça vise un groupe spécifique. Ouais. Mais est-ce que c'est nécessairement raciste? Pas tout le temps, tu sais. Il faut vraiment comme s'intéresser à l'action même, pas juste... Ce qui est raciste, ce serait de les traiter comme... je sais pas de quel nom tu pourrais les traiter, de dire que de façon négative que ça a-tu pas d'allure. Ouais, c'est alors ça, que dire « ils font ça », ça, c'est pas raciste. Mais non, c'est à moins que t'amènes le point juste pour provoquer un débat, pour gagner. Ah, mais il y a des gens qui aiment ça, provoquer des débats, tu sais, être à l'encontre de ce que le reste de la population dit. Il y a des stations de radio qui sont basées là-dessus. Oui, exactement, hein, pour ne pas les nommer. Bonjour Radio X. C'est bien, André Arthur. On fait bye, André Arthur. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, c'est... ça coupe le débat complètement, puis il faut vraiment comme revenir au truc concret, arrêter de s'auto-censurer là-dessus, savoir qui est le meilleur, savoir... Ouais, c'est ça. Y a personne qui gagne là-dedans. Là. Non, pas du tout. Pas dans du ce tout. Genre de débat-là. Puis ça tourne à vide même, carrément. La gauche qui se met à accuser tout le monde de plein d'étiquettes, puis ou à s'auto-glorifier avec d'autres étiquettes, ça mène à quoi, là? On progresse où? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui politique, fige. Dans le fond. Ouais, ça fige complètement le progrès, c'est que c'est que partisan, et puis... Il y a un petit côté, on est meilleur que vous autres, parce qu'on c'est est ça, de ce exactement. Côté-là. Ouais. Tout à fait. Fait que, d'une manière concrète, là, moi, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire avec ça? Je pense que ça prend vraiment une prise de conscience, puis arrêter d'utiliser ces termes-là au niveau individuel, puis vraiment s'intéresser aux actions que les gens posent. Bon, évidemment, c'est sûr qu'on a le droit, des fois, de traiter des gens de racistes ou de... Mais quand de tu fais quelque chose de clairement raciste, ouais. c'est sûr que si tu le dis pas, c'est comme être complice. Mais tu peux juste dire qu'il vient de manquer de respect aussi, tu sais? Ouais, ben... Ouais, mais un manque de respect contre un groupe complet de gens... C'est mais la ça définition dépend. Même si de racisme. Non, mais là. Si t'es dans un environnement où il y a seulement une personne présente, ouais. Tu peux pas dire que cette personne-là est contre le groupe en complet. Entier. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est l'action est devant toi avec une seule personne. Agis en termes d'une seule personne. Ouais. Puis c'est aussi peut-être de plus dire que le comportement d'une personne est raciste ou sexiste. Ouais. Au lieu de dire tout le temps « Non, c'est toi qui es raciste » ou des trucs comme ça. Sûr que non, bon, toi, t'es raciste. Non, ouais. Toi, tu raccroches en toi. Ah, arrête! Tu sais, il y a des gens... on a le droit de dire qu'un nationaliste blanc, un nationaliste suprémaciste blanc, c'est un raciste. Ça, c'est un des cas extrêmes clairs là, qui mérite d'être dénoncé. Puis des fois, bon, on devrait pas avoir peur des mots. Là, c'est pas ça que je veux dire. Mais essayer quand même de limiter ça le plus possible, parler plus des comportements, parler plus des groupes en général. Puis si on veut vraiment se mettre à dialoguer, faut commencer à dénoncer les comportements, pas les personnes en tant que telles. Ouais. Puis dire que eux, c'est de la chenoute, ces personnes-là en tant que telles. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on dialogue. Il faut apprendre à dialoguer dans la gauche, je pense. C'est une vertu qui est de moins en moins populaire, puis de moins en moins accessible aux gens à la gauche. Puis c'est surtout quelque chose, je pense, comme vous avez dit avec les hashtags, c'est tout à fait pertinent parce que je pense que c'est quelque chose qui est alimenté par les réseaux sociaux. Ça, c'est ouais, ben oui, t'as ben besoin oui, de ça pour ouais. faire parler d'une cause, faut que t'aies un hashtag qui a de l'allure. Un hashtag ou vraiment comme la critique à l'extrême pour les likes, parce qu'on est comme dans une sorte de bulle où tous les gens de gauche sont ensemble, on a le droit de traiter les autres de tous les noms. Ouais. Et c'est l'autre, ouais. L'autre c'est l'ennemi. C'est ça, exactement. Ben, ouais. C'est carrément ça. Ça revient à diviser les clans pour savoir comment est-ce que les gens vont penser, dans quel groupe est-ce qu'ils se trouvent. Ouais. Tu sais, c'est peut-être juste tout ce qui est hashtag puis tout ça, c'est peut-être juste une stratégie politique. Hey! Oh. Ouh! Voilà. Voilà. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre demi-heure qu'on pensait que t'allais remplir? L'autre demi-heure. C'est une blague. Je blague. Jimmy Thibodeau, t'as fait quand même une très, très, très bonne chronique aujourd'hui. Un petit peu plus courte que d'habitude. On dirait que c'était plus punché. Ben, je l'ai fait. Ouais, on était même. Ouais, j'ai eu quoi, un petit 15 minutes, là, je pense, aujourd'hui, c'est ça? 15 minutes? À peu près, ouais, c'est pas mal ça. Ah non, mais 15 minutes cette fois-ci, la semaine passée, 40-45. Bon. Ça s'équivaut. Ça s'équilibre. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Le pourcentage des votes. Exactement. Mais bon, le point était. Clair, voilà, donc c'est ça. Et on c'est moins ça. Difficile à débattre aussi que oui. Le sujet de la semaine dernière. C'était lourd, on parlait de viol et de moi ouais, aussi, exactement. Justement. Voilà. De hashtag. Violence sexuelle. Non, c'est ça, c'est qu'on l'appelle encore le mouvement MeToo, le mouvement moi aussi, ou peu importe, mais en tant que tel, ça a évolué tellement au-delà de ça. En tant que tel, c'est que ça devrait pas nécessairement être un mouvement. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais, ben, c'était comme un mouvement, entre guillemets, de dénonciation. Ouais. Mais c'est comme devenu beaucoup plus que ça, effectivement. Ouais, exactement. Avec des gens derrière. Comme une sorte de partie ou je sais pas trop. Presque de marketing bien. Autour de ça avec. Ouais, ouais. Oh. Non, c'est vrai, le time's up avec les macarons, ça. Les. Le marketing d'accord. Le marketing. C'est pareil comme le cancer du sein. Mais tu sais, en même temps, le gars qui décide de faire une campagne marketing en arrière de ça, on peut pas dire que c'est pas un brillant. Hein. C'est vrai, mais imagine si quelqu'un sortait ou une fille là, j'ai dit le gars, on s'entend là, l'être humain. C'est ça, l'humain. mais imagine si quelqu'un partait parce que tu sais, quand on parle de féminisme, les gars vont dire ouais, mais tu sais, moi je suis brimé en tant qu'homme blanc. Ouais. Right, premièrement. Mais imagine s'il partait un élément de marketing genre pro-viol. Ah bon Dieu. Non, mais pour vrai. Mais non, mais là, il y a quand même une stratégie derrière tout ça, là, derrière un mouvement quelconque. Je le rends un petit peu à l'extrême, ouais, mais c'est quand même un genre de j'ai pas besoin de ton consentement parce que je suis un homme et j'ai le droit de faire ça. Je comprends ça, ce que tu veux dire, ouais. On l'entend souvent, il y a un politicien américain récemment qui a fait controverse, je me rappelle pas exactement ses propos. Il est pas en même, celui-là? Non. c'est un de ses chummies, je pense. Ah, par ok, contre. C'est ça. Ils se tiennent ensemble dans le même gentleman's club. C'est ça, avec la petite cigare. Exactement. Mais non, il parlait qu'il s'attendait à ce que sa femme lui fasse à manger tous les soirs quand il revient à la maison. Tu sais. C'est comme anti-féministe. Oui, mais il faut quand même mentionner qu'il y a un phénomène culturel, historique avec tout ça. Oui, à travers l'histoire des dernières décennies, c'était normal. Et il y en a même des femmes encore aujourd'hui que c'est ça qu'ils veulent. Mais oui, il y a des femmes aujourd'hui que tout ce qu'ils veulent, c'est d'être à la maison pour prendre soin de leur enfant. Mm-hmm. Ça existe pareil. Faut pas se cacher. Ça existe. Et c'est pas parce que tu le fais peut-être... Que c'est mal. Que c'est mal. Parce que c'est ton choix. Exactement. Il faut laisser le choix aux gens. Merci. Oui, laissez le choix aux gens. Les zones grises, ça c'est tout le temps... C'est pareil pour le consentement, par exemple. Oui. Si tu dis... Si, par exemple, dans une dynamique de couple, t'as une femme qui fait juste l'amour avec son mari ou son chum pour lui faire plaisir, alors que ça lui tente pas, mais c'est consentant, mais c'est pas idéal non plus. C'est quoi? C'est une grosse zone grise. Mais tu sais, c'est quand même acceptable parce que, donc... Jusque dans un certain degré, là, dans le sens où c'est comme une sorte d'entente qu'ils ont ensemble, puis que c'est pas super grave pour ni l'un ni l'autre, puis que c'est quelque chose qui les arrange tous les deux. Pourquoi pas, tu sais. Ouais. C'est ça. Comme les couples qui restent ensemble pour les enfants. Exactement. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont contre le divorce, ça veut juste dire qu'eux, ils ont décidé de pas se divorcer. C'est ça, c'est pas parce que t'es pas dans un bar que t'es pas dans l'autre, en tout cas bref. C'est ça, exactement. Allez voir, il y a un sketch de SNL en fin de semaine, Saturday Night Live, c'était un sketch quand même vraiment réussi, je trouvais, sur c'est une gang d'amis qui se rassemblent dans un café ou un restaurant, peu importe, puis à un moment donné, quelqu'un ose parler de « Hey, qu'est-ce que vous pensez de Aziz Ansari dont on parlait la semaine passée? » Mm-hmm. Là, ça fait des malaises, puis à chaque fois, c'est comme tout le monde est comme « Attention, il va pas là. » Pendant genre tout le sketch, c'est vraiment bon, allez voir ça, SNL de la semaine passée. Ah, merci Jimmy Thibodeau. Ben merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, c'est les mardis à partir de 9h. Oui. Mm-hmm. Elle aussi, je l'aime bien. Oh, t'es fan! C'est la maman, c'est un yes, qu'elle a tout dit! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do it. Oh oui, Tania is gonna do it. Tous les matins, ici à Assemblage Requis, ouais. On ne pourrait pas vivre sans ça. Oh, hein? T'es gentil. Je te dois combien? Ce que t'as. C'est-à-dire... Ce que t'as, lol, pas grand-chose. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on parle encore une fois de santé. Parle d'abord un petit peu nutrition, c'est de la santé, je dirais. C'est pas mal ta thématique en ce moment. Nutrition, mais dans quel sens? Mais aujourd'hui, on va toucher un petit peu plus la restauration et le niveau des calories. Oh. Pourquoi? Bien, parce que si vous vous rappelez, vers la fin 2016, en fait, il y a un projet du côté de l'Ontario qui a gagné en popularité. C'était celui d'afficher les calories dans les menus des chaînes de restaurants ontariens. Ça a commencé surtout avec McDonald's, si on se souvient bien, parce que les gens ont demander à ce que ce soit fait. Du côté de McDonald's, on l'a ici déjà. Donc, si jamais vous vous rendez dans un restaurant, vous allez voir le nombre de calories que le Big Mac a. Vous allez voir le nombre de calories que votre œuf McMuffin a. Ça rentre à peine ces pancartes tellement il y a des gros chiffres là-dedans. C'est en plein ça. Mais du côté de l'Ontario, en fait, les chaînes, c'est quasiment toutes les chaînes de restauration qui ont dû ajouter le nombre de calories à leur menu. Chose qui fait en sorte que, bon, les gens font une certaine variation de leur choix de repas, on tout simplement. On est plus conscientisés, on sait. Là. Exactement. C'est un choix qui a quand même été coûteux pour les entreprises, il faut le dire, parce que, bon, tu refais un menu au grand complet. Tu te demandes si tu changes pas un petit peu de recette aussi, considérant le fait que là, les gens vont savoir le nombre de calories qu'ils vont prendre. Même si avant, c'était quand même public, t'avais quand même des petits dépliants, c'était écrit sur leur site Internet, mais là, de l'avoir directement à côté du hamburger, mettons, ça fait... ton cerveau fait comme « Hey boy! » Ben, c'est ça. Hein? Certains restaurants ont dû investir jusqu'à 65 000 $, oui, pour modifier les menus qu'ils avaient déjà. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sous aussi. Mm-hmm. Et on s'entend que, bon, peut-être que ça fait pas une si grande différence que ça. On se pose la question. Eh bien, au Québec, on a commencé à voir des gens qui, justement, changeaient eux aussi cette espèce de façon de faire les menus, là. On l'a vu avec Exactement. On l'a vu avec McDonald's. Puis je crois que en 2017-2018, bien, les gens ont vraiment pris conscience de ce qu'ils mangeaient dans les restaurants, surtout au niveau des fast-food. Ouais. Alors, si on se rend, par exemple, chez McDonald's, bien, je pense qu'on m'a peut-être plus opté pour un wrap au poulet que pour un Mac poulet, tu sais. Considérant le nombre de calories que ça contient. Donc, il y a un impact vraiment de l'affichage des calories dans les menus de restauration et de fast-food. Même si c'est pas la seule chose qu'on devrait vérifier en tant que tel, les calories, on en parle souvent. Parce qu'il faut quand même le mentionner, c'est pas juste les restaurants de fast-food qui ont dû faire appliquer cette loi-là du côté de l'Ontario, c'est vraiment les restaurants. Donc, si vous alliez, par exemple, au Keg, un restaurant qui est du style, par exemple, ici de Scores ou quelque ou chose comme ça. Un steakhouse, quelque chose comme un ça. Un steakhouse, eh bien, ils devaient modifier leur menu, eux aussi. Mm-hmm. Ça devient de plus en plus populaire, comme je le disais, au Québec. Les gens doivent faire de plus en plus la modification et être informés sur ce qu'on mange. Bien, ça intéresse pas mal tout le monde, hein? Ouais. On s'entend? J'aime bien le système. Je me rappelle pas si c'est dans quel pays qui avait inventé un petit... ou quel continent, ou peu importe. Mais il avait inventé les petits icônes. Oui. Donc, tu avais, bon, je sais pas si c'était le sel, les calories, les peu importe. Il y avait des petits icônes avec le chiffre à côté. Je trouve ça plus fun parce que comme ça, tu pourrais mettre toutes les informations pertinentes au lieu d'écrire genre 1092 calories. Ouais. C'est comme... t'as pas toutes les informations qu'il te faut, ça prend de la place. C'est un petit système qui serait standardisé. Je trouve que ce serait probablement la meilleure chose. Probablement, considérant en fait qu'un adulte de taille normale et d'âge moyenne, en temps normal, par jour, doit manger entre 1800 et 2000 calories, bien d'afficher les calories comme ça, ça donne une bonne idée si ton Big Mac est à 1200 et t'as pas encore soupé, tu sais, je sais pas, là. Mais il y a des recherches qui sont beaucoup plus complètes sur l'impact de l'affichage, justement, des calories sur les menus, qui révèlent que non seulement les consommateurs sont incités à faire des choix moins caloriques, mais qu'ils encouragent également les commerçants et les restaurateurs à proposer des options moins caloriques. Mmh. Donc, c'est sûr que du côté des restaurateurs, ça amène un changement. On l'avait dit, on doit refaire le menu, on doit refaire l'affichage du menu, mais on se pose la question, est-ce qu'on refait le menu au grand complet? T'sais, est-ce qu'on fait de nouvelles recettes à ce niveau-là? Donc, la recherche confirme en fait qu'il y a une plus grande divulgation de l'information du nombre de calories ou encore du nombre de kilojoules. Ça dépend comment vous calculez votre apport en nourriture. Et justement dans les établissements de restauration, là, que ce soit rapide ou encore les chaînes de restaurants, qui ont un pouvoir positif sur la façon que les gens vont s'alimenter. Il y a des chercheurs australiens de l'Université de technologie de Sydney, de la Melbourne Business School et de l'Université de Deakin qui ont rassemblé 186 études sur l'effet des calories sur les menus, sur les consommateurs et 41 études sur les effets auprès des restaurateurs. Non? Donc, on a rassemblé tout ça, on a étudié le tout et les résultats de la méta-analyse ont été publiés un petit peu plus tôt, vers la fin 2017, qui montre justement que l'affichage des calories, ça a quand même permis une réduction de 27 calories par repas pour les consommateurs et 15 calories par menu chez les détaillants. Donc, on a fait une modification au niveau des commerçants, on a fait une modification au niveau des restaurateurs, au niveau du fast-food, mais aussi au niveau des chaînes de restauration. Donc, les chercheurs, si la réduction des calories n'est pas nécessairement importante et que vous mangez qu'une fois par année dans un restaurant, pour ceux qui mangent une fois par année au restaurant, un, félicitations. Deux, peut-être que c'est votre cheat day, tu sais, je sais pas. Peut-être que vous allez automatiquement faire un choix qui va vous plaire. Mais pour ceux qui mangent de façon régulière au restaurant, ça peut faire une réelle différence sur l'apport calorique que vous allez gagner dans une journée. Donc, clairement, si par exemple, vous mangez chaque jour au restaurant pour votre semaine de travail ou, tu sais, je sais pas moi, il y a des gens qui sont toujours sur la route, bien, ça fait une différence qui est nettement visible. Il y a un impact qui est également beaucoup plus important chez les femmes. Ah! Ça, les études l'ont démontré. Les femmes ont peut-être plus une conscience à ce niveau-là de demander combien il y a de calories dans ton menu. Donc, on a une réduction de 60 calories par repas chez la femme, qui est en surpoids, et une réduction de 83 calories par repas au total. Donc, c'est quand même une bonne évolution. Les gens ont commencé à mieux manger dans les restaurants. Les restaurants aussi ont commencé à se dire, je pense qu'on va faire un changement à ce niveau-là, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a de plus en plus de restaurants qui ouvrent, qui sont de type bien-être, qui sont de type bonne bouffe aussi. Donc, avec le nombre croissant de repas qui sont pris en extérieur de la maison par plusieurs études, là, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui mangent au restaurant. Le nombre croissant de croissants. Exactement. Donc, on peut éduquer les consommateurs, on peut les rendre plus conscients de leurs choix. C'est un bon début. On le sait, l'obésité, ça augmente les risques nombreux de de maladies chroniques et mortelles aussi. Donc, le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les principales causes de décès aussi par obésité, prématurées dans de nombreux pays, dont l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, tu sais, c'est... Oui, c'est quand même un petit peu loin, mais c'est, on a une tendance quand même, tu sais, mondiale à ce niveau-là. Donc, les chercheurs remarquent que les restaurateurs affichent leur information nutritionnelle sur leur menu. Ils s'ajustent de façon quand même assez importante sur les choix et les offres aussi. Les offres changent, donc automatiquement, tu te ramasses avec des certains repas qui sont peut-être plus en vedette. Tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine qu'on le garde dans le menu ou on le garde pas? Donc, de cette manière-là, on a une divulgation par une entreprise de ces informations financières auprès du public. Ça change le comportement, ça change la donne aussi sur le montant que tu vas avoir dans la caisse à la fin de la journée. Donc, l'effet de divulgation et de précision par le restaurateur, ça crée une espèce de lien de loyauté, en fait, avec les clients et c'est ce qui fait aussi que les gens vont revenir. Donc, oui. On a une offre, on a une demande à ce niveau-là ça et on se rend compte la transparence. Que... Bien, exactement, les restaurateurs s'adaptent, les gens aiment ça, les gens y retournent parce que, bon, ils ont aimé le repas moins calorique que l'autre qui en a beaucoup plus. Donc, il y a une possibilité, en fait, d'un effet qui est combiné. Et c'est là que les changements les plus importants vont se produire probablement parce que ce sont des changements qui sont progressifs mais qui s'additionnent. C'est un cumulatif de façon positive et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va devenir un projet de loi dans les prochaines années. On en avait déjà discuté il y a quelques années lorsque c'était sorti du côté de l'Ontario. On s'était poser la question, est-ce que c'est pas trop demandé aux restaurateurs d'imposer ce montant-là pour faire les changements au niveau des menus? Ils le font déjà. Ils font déjà par la demande de leurs clients. Donc, la précision d'informations sur les menus, ça s'est avéré controversé dans certains pays, surtout du côté des États-Unis. En fait, l'obésité, ça fait massacre de ce côté-là. Controversé d'afficher ces informations-là. Juste pas les regarder. Là. Apparemment, du côté des États-Unis, ça le fait certaines controverses. Wow. Évidemment, le coût de la mise en œuvre des lois, c'est peut-être une cause de perte de marché pour certains restaurateurs, certains aliments industriels aussi. Donc, il y a des lois d'étiquetage qui sont complexes, parfois qui sont éloignées aussi de la réalité. Donc, on a des affiches intelligentes, on a des affiches qui sont simples, qui voient de plus en plus le jour dans les restaurants. Des télés à la place d'avoir des pancartes. Ben exactement. On se pose la question, est-ce que ça va devenir vraiment quelque chose qui va être partout dans pas long? Peut-être. C'est sûr que ça serait une bonne chose. Je vois pas comment est-ce que ça peut être une mauvaise chose que d'afficher le nombre de calories qu'il y a dans ton menu. Au pire, arrange-toi pour que ton menu ait déjà de l'allure. Peut-être qu'on a besoin de plus d'informations aussi, de compléments, par exemple, les ingrédients qui sont dans l'hamburger. Ben oui, tout à fait. T'sais, fait que là, tu peux pas écrire tout sur le tableau, mais il faudrait que ce soit disponible. Tout ce qu'il y a dans ton hamburger, tu veux savoir, il me semble. Tu sais, au moins sur la boîte du hamburger, tu sais, ingrédients, je sais pas, mais il y a des choses qui seraient peut-être vraiment controversantes si elles sortaient sur des boîtes. Si c'est obligatoire pour les produits qu'on achète au magasin. C'est ça. Pensons-y. Il fut un temps où McDonald's décrivait exactement le nombre de calories sur la boîte. C'est vrai. Ça le fait plus maintenant parce qu'ils l'ont mis dans leur menu, mais à un certain moment... Je regarde pas ça quand je mange là. Je savoure. Oui, c'est ça aussi. Le burger froid et mou. Ah, mon Dieu. De chez McDonald's. Il y a aussi l'étiquetage fait maison, qui est très populaire, qui va sortir quand même assez bientôt sur les cartes de restaurant. C'est pas toujours simple, en fait, de se retrouver dans les étiquetages, dans les étiquettes. La lumière est un petit peu difficile à gager de ce niveau-là. Mais sachez qu'il y a plusieurs professionnels des restaurations qui ont décidé de justement commencer à marquer sur leur menu de restaurant que les choses sont faites maison. Ça crée encore une fois une espèce de loyauté au niveau de la clientèle et ça crée une espèce de lien entre le chef et le client. Mm-hmm. Parce qu'automatiquement, si vous écrivez « fait maison », tu te dis « hey, il s'est donné la peine de le faire ». C'est pas comme quelqu'un qui va juste flipper une boulette, par exemple. Je suis désolée à tous les flippers de boulettes. Mais au fond, si on veut être bien informé de ce qu'on met dans nos assiettes. C'est comme on l'a dit, c'est un petit peu la tendance. On veut des choses qui sont faites maison. On veut des choses qui vont être faites de façon quand même beaucoup plus santé. Avec donc, amour. Exactement. On veut pas payer des plats qui vont être, par exemple, surgelés ou des plats qui vont être déjà faits, qui vont dégeler au cours du souper. Puis là, bon, ils vont nous donner des patates hachées qui sont pas bonnes. Elles sont très bonnes, les patates hachées, par contre. Mais on veut vraiment quelque chose qui va être fait maison, qui va être meilleur pour la santé. Donc, c'est un étiquetage qui prend de l'ampleur, surtout au niveau des restaurants, qui devrait être présent sur les cartes de menu et les tableaux des restaurants. C'est initié, en fait, dans un déroulé de 10 priorités pour mieux informer les consommateurs et promouvoir la qualité de la restauration. C'est une ministre qui indique que l'étiquetage fait maison, ça crée en fait une lisibilité de l'offre de la restauration et un dispositif qui est mis en place dans le projet de loi pour la consommation pour valoriser les plats qui sont faits maison. Donc, on se rend compte, tu sais, si on regarde ici, par exemple, à Trois-Rivières, c'est Épi-Buvette de quartier qui a été créé il n'y a pas très, très longtemps. Bien, c'est vraiment ça qu'on a mis de l'avant. C'est les produits locaux, les recettes maison. Tout est fait là. Tout est utilisé de façon locale. Donc, à ce niveau-là, c'est ça que les gens recherchent de plus en plus en 2018. Et si un soir, ça ne te tente pas de faire à manger chez vous, bien, tu te dis, bien, je pense que je vais aller dans un restaurant comme celui-là. Ouais. Contrairement, ça va coûter comme à la maison. Exactement, ça va coûter comme à la maison. Je vais être beaucoup plus consciente de ce que je mets dans ma bouche, ce que je mets dans mon corps. C'est sûr qu'un fondant au chocolat, ça termine quand même au fond de ton estomac, puis c'est quand même un fondant au chocolat, même s'il est fait maison, tu sais, on s'entend. Mais il y a quand même des restaurateurs qui vont mettre de l'avant le fait que leurs plats qui sont faits maison vont être beaucoup plus santé à ce niveau-là. On utilise aussi la mention maison pour plus tromper un petit peu l'œil des gens. On veut vraiment que les gens soient au courant de ce qu'ils mangent. On veut qu'ils soient conscients aussi de ce qu'ils mangent, parce qu'on s'entend qu'on entend de plus en plus parler de nutriments ultra transformés, d'aliments ultra transformés. Alors, si on est au restaurant, t'as un aliment ultra transformé devant toi et en plus, c'est pas nécessairement fait maison avec une conscientisation au niveau du chef à ce niveau-là, bien peut-être que tu te ramasses à manger pas mal moins bien que ce que tu mangerais chez vous. C'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on est dans un restaurant. Tu peux pas nécessairement rentrer dans un restaurant puis demander 140 000 spécifications à ton souper, là. Aller voir le chef pour le voir faire à manger. C'est ça, tu sais, va t'asseoir à côté du four pendant qu'il est en train de te faire ton repas. C'est un petit peu impossible. Ouais. C'est l'idée derrière aller au restaurant, c'est que t'as pas besoin de le faire. Mmh. Si tu voulais le faire, t'avais juste à rester chez vous. Ah, c'est bien. Donc, de ce côté-là, oui, l'étiquetage fait maison, c'est bien, c'est le fun, c'est correct, on s'en rend compte. Les gens aiment ça, les gens aiment le côté beaucoup plus santé à ça, mais capote pas, s'il te plaît, t'es au restaurant. Tu sais, c'est ça. Voilà. Tu regarderas Zest. Oui, sinon, inspire-toi de Masterchef. Ah, Masterchef. Ah, c'est ça qui t'a éduqué. Hein. Hier, on était... J'ai vraiment pris une conscientisation de tout ce que je mangeais, le nombre de fois que j'ai écouté Masterchef. Ouais. On était à la Chasse-Galerie. Hier, je mangeais mes délicieuses pâtes au pesto de la Chasse-Galerie. Oui. Miam, miam, miam, miam, miam, miam. Je dis que je pourrais faire ça chez moi, tu sais. Tania, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, ben, c'est ça... Tu m'as dit, c'est facile, simple. C'est simple, ouais. À faire, c'est ça. J'étais comme, moi, mais il faut que je hache mes propres affaires puis que je tranche mes propres affaires. Ah, mais je sais pas comment faire, moi. Toi, t'avais Masterchef pour t'éduquer. Ben, regarde un épisode de Masterchef. Je trouve ça plate. Ben là, à ce niveau-là, je chiole pas. Ta gueule! Mathieu Plante. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Ah, que ça fait plaisir d'entendre Tania Esgolin et Tania tous les matins à Assemblage Requis. Eh ben voilà, c'est tout pour Assemblage Requis édition week-end. On se retrouve lundi pour une autre semaine d'Assemblage Requis. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition week-end les dimanches dès 15h. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi!